Cet épisode du podcast de Papa Cassette est une présentation de Lager Brow, bière adéquate. Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous et bienvenue à l'enregistrement, le vrai, de l'épisode 144 de chez Papa Cassette. Ben oui. Et bonsoir JF. Salut, je vais baisser ça, on rentre fort. T'es-tu correct? On rentre fort, ok. Fait que ceux qui étaient présents avant que le spectacle commence, ils ont appris que Dino joue mal, ok? Dino, il joue mal. Il joue mal. Dans le il était tout triste. Dans le segment Pierre Raffu, ouais. Comme il y en a tout le temps. Avant ok, je creuse. Ah ouais, c'était bon ça. Je me rappelle même pas de quel épisode, je me rappelle pas qu'est-ce qui se passe après. Je me rappelle même pas qu'est-ce qui se passe avant non plus. S'il amène Dino, il doit se passer de quoi avec Dino? De voir Dino bowling, je sais pas. Faudrait revoir ça. Ah c'est ça, faudrait checker ça. Fait que bonsoir Mike Leclerc dans le chat. Ouais, on va dire salut King, Nadera, Fingercut et Hidalgo Kane. Hidalgo Kane. Belle gang ce soir. Oui, Carl Le Duc, Dominique English 1-2-3, je sais pas, Simon Lai, tous des professeurs, c'est bien. Tous des gens qui masquent leur identité, on aime ça, des gens de la fonction publique. Exact. Fait qu'on est mardi, une semaine ben oui. Entre deux, parce que il y a eu manqué d'électricité ici la semaine dernière. Fait que voilà. Ouais, il y avait fuite de gaz et tout le quartier était mort au complet. Là, exact. Surtout ici, parce que ça s'est passé direct à côté sur P9. Il y a un col bleu qui a sacré un coup de pelle dans le gros tube. Ah, puis là, ça s'est mis à sentir le gaz. Fait que là, on pouvait pas s'allumer des cigarettes. Ouais, toutes les clopes qu'on se fume avant le podcast en bas en plus. Là. Exact. <ça. rire> Napkin Rise dans le chat. Première fois, première présence. Ben, première fois qu'il parle. Salut! On le connaît, c'est un auditeur de Rétro Nouveau, là, Navgain Rise, et on l'a vu souvent. Oui, c'est ça, hein? OK, mais son vrai nom, sais-tu? Je sais pas. On s'en rappelle pas. La napkin qui s'augmente, qui se lève, je sais pas trop. Bon, ben, c'est peut-être un gars qui apprécie la fine cuisine. Ou un autre travailleur de la fonction publique. Exact, exact. J'étais là à Rétro Nouveau, ouais. On vous reconnaît tous. Vous êtes juste first time chat parce que channel Papa Cassette, là. Voilà. Bon, ben, je vais comment. On a beaucoup de choses en intro. Oh, your hype train! Oh my god, un hype train! Fait deux en deux, là. Comment ça que ça fait ça? Parce qu'il y a du monde qui subscribe, ça fait un hype train, genre, c'est des cadeaux, je sais pas quoi. Danny Matteau qui a fait ça, c'est un nice. Cadeau. Excellent. Il reste 5 minutes pour continuer de hyper ça. Let's go, tout le monde. On sait pas ce que ça donne, mais let's go. On sait pas. Fait que, un jour, on va prendre le temps de chercher c'est quoi, là. Exact, exact. Je pense qu'on a reçu 2$ l'autre fois de Twitch. Yes. Fait que c'est peut-être ça. On peut s'acheter un autre pack de tie wrap pour tenir le studio en place. On s'abonne la gang. Oh, OK, c'est les abonnements, ça, le live train. C'est le monde qui s'abonne. Hey, on a un nouveau record même. Oh, shit, on va l'atteindre. Mike Leclerc qui a subscribe au tiers 1. C'est fou. Avec un petit buzzer. C'est débile, ça. C'est malade. C'est là qu'on vous invite à nous écouter live. Ben oui, absolument. Normalement le mercredi, mais aujourd'hui le mardi. Exact. Fait que, comme je disais, on a beaucoup de choses à raconter. Gros puis, spectacle. Oui, on a des critiques, il y a de la collection, il y a beaucoup de questions du public. Peut-être qu'on va pas faire toutes les questions, peut-être qu'on n'en fera pas en toutes si on n'a pas le temps. Puis on va les garder pour la semaine prochaine parce qu'on a un show la semaine prochaine. Tu vois, il y a Fingercut qui dit que chaque niveau donne des émoticônes. Donc, on pourrait donner aux gens qui subscribent des emojis à utiliser dans le chat. Faudrait les fabriquer. Ouais, faudrait voir ça. OK. Ben, on verra. On va regarder tout ça, mais c'est intéressant. Au moins une pomme, là, j'imagine. Ça doit être là de base, la pomme. Des triangles, des triangles de métal. Des Doritos. On va checker ça. Fait que, au dernier show, j'avais mentionné que NoFX allait setuper leur pop-up shop chez Retro MTL, probablement, ouais. En fait. Et puis, ça a été fait, mesdames et messieurs. On a eu la shop ici. On a eu leur magasin dans le magasin de Retro MTL. Donc, c'est Joe Millette ici qui a réussi à connecter ça avec... C'est Tito Joe, en effet, qu'on mentionnait à une certaine époque à Retro MTL. Le très classique Tito Joe, là. Exact. On a déjà des Doctos dans le chat. Malade. C'était ça avec Christopher Brochu de... justement, je porte le chandail de punkrockradio.ca, qui, lui, connaît les gens chez Fat Records et tout. Alors, ils ont tous connecté ça et puis ils sont venus ici. Alors, ils se sont setupés mercredi et puis toute la journée. Puis jeudi et vendredi, ils ont fait de la vente. Et samedi, ils ont fait de la vente. Ici, samedi, ils ont arrêté à 2h. Et tout le long, il y a eu un line-up en avant. Ben ouais, qui se rendait jusqu'au coin de la rue. Là. C'est malade, ça. Tout le long. Là. C'était vraiment intense. Fait que le monde, il en voulait de la guenille de Fat Rick. Tout ça. C'était quelque chose. Puis, Il y a juste Eric Hébert que j'ai vu qui t'avait sacheté un cadre de Mario 2 genre, pendant le pop-up shot de NoFX. Comme, OK. Ben, aussi, on voulait que des clients viennent acheter des affaires. Là, juste trouvé ça très drôle. Ah, absolument, absolument. Puis, ils ont été bien gentils avec nous autres. Là. Ils nous ont donné plein d'affaires et tout. Et puis. Sont-ils venus au magasin, les. Non, man. C'est sûr qu'elle n'allait pas venir jeudi. Là, on se croisait les doigts pour vendredi, mais je pense qu'elle n'était pas en ville encore. OK. Fait que là, j'ai demandé au gars qui parle au gérant, puis il a dit qu'il allait venir demain, soit samedi. Mais non, ils sont pas venus. Bon. Mais on a quand même eu de St. Catherine's et puis de Matchup qui sont venus faire des petites prestations solo ici samedi dans le jour. En effet, c'était vraiment cool. Puis, on faisait rentrer à l'intérieur pas plus que 10 personnes à la fois. Et puis, quand il y a eu les prestations, on a fait rentrer le line-up au complet. Ouais, ouais. Fait que là, il y avait full de monde dans le magasin, tu sais, mais qui faisait la file. Puis là, on avait peur de se faire voler un peu là, par les punkers. Mais non, tout le monde a été super fin. Fait que, personne n'est parti avec un panique restaurant et un Snow Brothers. non. Mais c'était ça l'objectif hein, de faire ça. Peut-être qu'il y en a qui se disent que c'est bien weird. C'est quoi le rapport de ça? Ben, premièrement, on aime ça un peu, cette musique-là. C'est ben nostalgique. Ben oui. Puis Joe, il adore ça encore. Là. C'est sa vie. C'est sa musique préférée. C'est ses bands préférées et tout. Fait qu'on réalisait un peu un de ses rêves en faisant ça. Puis l'objectif aussi principal, c'était de se faire de la pub, là, ouais, de se faire connaître. Fait que on leur a rien chargé, on a été chill de même, on a géré leur line-up. Puis vu qu'on est un commerce, on a plein d'affaires ici pour les accommoder, des racks de t-shirts, des tables, ça. On leur a laissé faire des trous dans les murs pour accrocher leur guenilles. Nice. Fait que vraiment, on leur a tout donné. Fait qu'ils nous ont donné beaucoup aussi. Et puis, ils nous ont donné, en plus, moi, j'avais déjà... C'est deux journées de show, ça. C'est la tournée d'adieu de NoFX. Donc, c'est terminé. Ils feront plus de show après ça, comme je disais, jusqu'à ce qu'ils recommencent en jusqu'au prochain revival. De l'argent. Et puis, donc, c'est comme des Vans Warped Tour. Là. Il y a des shows toute la journée. Ouais, c'était pas juste eux autres. C'était un festival. C'est des festivals. Festivals l'été. Exact, c'est un festival d'été. Des gens qui aiment la musique de festival l'été. C'était drette là qu'on était, man, show d'un festival l'été. Et puis ça finit avec NoFX les deux soirs, mais c'est des bands différents sinon les deux jours. Moi j'avais déjà mon billet pour le samedi, mais j'y allais pas dimanche. Et puis finalement ils nous ont donné des billets guest list que c'est malade, pour ça. Les deux jours. C'est malade. C'était malade. Fait que là, avant que tu partes les vidéos, Jeff, tu me le diras. On a comme accès avec ça à tout. Comme les paysans, ils sont dans la zone centrale. Ouais, t'as genre le backstage pass dans le fond, là. C'est ça que t'as eu, là. Ouais. Mais le VIP, ils peuvent aller se mettre en avant des paysans, tu sais, comme devant la scène. Il y a comme un rayon, un bandeau, tu sais, plus proche de la scène. Puis aussi, ils ont leur toilette à eux, puis leur merch à eux, puis tout ça. Fait qu'il y a moins de monde, tu sais, dans la zone VIP, mais qui est quand même juste un bandeau autour d'un rond, tu sais. Puis avec nos passes, à partir de la zone VIP, on pouvait aller voir les dudes sur le bord de la grille du backstage. Ils ouvraient ça, man, comme dans un film, puis c'est on rentrait en arrière. Puis là, on était en arrière avec les band members. On était là, man, avec... Ah, tu trouves une petite bière, finalement? Oh, ouais. Ah, ouais. Je suis fatigué, fait que tant qu'à tomber ou se mettre tombé d'alcool. De haut. Ah, de haut. Non. Faut que je reviens dans le métro, fait que ça me prend un petit fond, là. Exact. Moi, je prends un break, parce que j'ai bu plein de bière avant hier. J'ai besoin de prendre un break. Puis, bref, on est à côté des boss, on est avec les bands, ils passent à côté de nous autres, on leur parle, on fait tout ce qu'on veut. Là. C'est débile, ça. C'est insane, là. Tu sais, on boit leur bière. Ben, nous autres, on n'y a pas eu accès parce qu'on était du mauvais bord, mais on aurait pu. Il y avait un gars qui était. Il y avait un dude, je sais pas si c'était le drummer de je sais pas quoi, man, ou juste un gars ami de la tournée. Il y avait sur le stage une genre de petite valise en plastique, très high-tech, là, tu sais, que tu ouvres ça, tu penses qu'il y a un micro là-dedans. Rien que du weed. Mais c'était rien que du weed. Mais il y avait encore les fonds à compartiment. Puis il y avait un compartiment pour le weed, un compartiment pour les papiers, un compartiment pour les cutters. Le gars, c'est un rouleur professionnel. Genre. C'est exactement ça, man. C'est le lui, rouleur c'est mon de rouleur weed. Attitré. C'est le gars du weed, man. C'est le gars c'est du weed. Malade, ça. C'était malade. Puis à un moment donné, j'ai vu, il en a roulé un gros, puis il a donné ça un goût de doute dans la salle. Bref, c'était fou. Fait que bref, tu peux mettre, si tu veux, tu peux mettre ouais, les images maintenant. On a deux photos, je pense, ouais. Quelques vidéos. Fait ton là, setlist, ça? Ça, c'est le setlist du samedi. Calvaire, c'est ça, ben, c'est des tunes de deux minutes. Hein. C'est du punk rock. Hein. OK, c'est des tunes, c'est pas le... C'est pas les bands, ça, okay, okay, okay. Non, non, c'est ça. Ça, c'est les tunes ouais, que NoFX ouais. Allait faire. Puis ils ont pas mal toutes faites. Ils en ont alterné une couple, là. Mais on avait accès à ça, là. C'était malade. C'était dans une caisse de son avec les guitares. Puis, tu sais, j'aurais pu partir avec une guitare. Je pouvais faire ce que je voulais, là. T'as moins ça. Tu sais, pendant les shows, même pendant NoFX, j'aurais pu aller sur scène puis dire salut à tout le monde puis pousser fatement. T'étais pas mal sur scène, déjà, je trouve. Ouais, ben, je vais le montrer à la fin. Tu peux changer de... De trucs. Fait que ça, c'était nice. Pendant NoFX. Là, il y a beaucoup de monde à l'arrière, mais il n'y a pas autant de monde que ça dans le jour. Puis tu peux aller là at will. Là, il y a des clôtures, mais il n'y en avait pas dans le jour. Fait que, tu sais, pendant le deuxième ben, genre, on s'est à côté au fond de leur art est débile, pour vrai. Là. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment très joli. NoFX, là, je sais. Totalement. Fait que ça, c'était avant que ça commence. Sinon, tu peux partir l'autre truc. Puis ça commençait, là. Fait que je vais parler pendant que les vidéos, ils roulent. Ouais. Puis là, on était sur le côté. Puis un peu plus loin, on voit, vois-tu, là-bas, au fond, il y a des caisses de son, là, je sais pas quoi, avec un dos et une caméra, là. Ben, il y a l'équivalent de ce côté-ci, t'sais. OK. Puis moi, à la fin, je me suis comme rentré dans ce coin-là. Puis j'étais vraiment tout seul, là. Ah, tu répètes le... Ah, ben, il répète ça, mais moi, change. OK, là. Ben, change-le, ouais. Fait que là, j'y suis, là, derrière la caisse de son, là. Puis là, il y a le gars avec la calotte, là. Ouais. À la fin du show, quand Fat Mike, le chanteur, est revenu faire bail à tout le monde, il s'est pointé la tête drette là. Fait que là, il était à côté de moi, là. Il était plus proche de moi que tu l'es présentement. Puis là, il a comme fait le saut, tu sais. Il a pas vu que j'étais là. Fait que là, j'ai comme dit, on n'entendait rien, mais j'ai dit « good job », tu sais. Puis là, il m'a tapé dans la main. C'était une monde, genre. Qui te regarde pas, là, qui regarde le show, c'est débile. Exact. Ben, il m'a tapé dans la main, man, devant genre 18 000 personnes. Moi, j'étais autant sur le bord de la scène que le band, là, juste à droite, là, tu sais. Mais j'étais proche du monde de même, là. C'était insane, là. Ces gars-là doivent être un peu rodés, là. Ça les impressionne plus, des foules de même, mais c'est weird parce que j'en ai fait de la lutte devant très peu de gens et devant 3 000 personnes. Puis plus il y a de monde, moins c'est stressant, on dirait. C'est vrai, hein? Parce que tu oublies qu'il y a du monde. C'est tellement une mer de monde. Si t'en as 15 qui te regardent, c'est weird. T'en as 3000, OK, c'est du monde qui me regarde, là. C'est... Exact. Ça, c'est fou, là, par exemple. Tu vois le mosh pit, là. Puis ça, c'était un record pour NoFX en tant que, que headliner. Donc, ils sont déjà allés dans des shows, des festivals d'été, où est-ce qu'il y avait bien plus de monde que ça. C'est 18 000 personnes, en passant. Mais en tant que headliner, tu sais, c'était leur premier, leur record à Montréal. Fait que ça... Ils sont rendus vieux, hein, pareil? Ils sont rendus vieux. Mais man, j'en reviens pas comment j'étais bien spoté, là, tu sais. C'est fou. Quand tu m'as envoyé les vidéos, j'étais comme, ben voyons, qui est sur le stage. Puis ils ont mis, ils ont mis le mode du stade aussi aux couleurs de la tournée, là. Nice. Ils ont mis ces couleurs-là. Là, c'est cool, ça. La chose qui est moins cool, par exemple, c'est les Molson X, les Coors Light à 10$. Puis les IPA de marde à 11$. Ils ont pris la technique du Sandbell. Puis le petit burger à 16$. Là. Ah non, c'est du vol, man. Là. C'est vraiment... Là. Tout ça est fucking cher. Mais bon, tu t'en vas pas le bas pour sauver de l'argent. Ben non, t'es dans un show, là. Puis, ouais, ça, je me suis filmé, là. Ça, c'est mon spot de caisse de son, là, où est-ce que j'essaye d'expliquer, là, où est-ce que j'étais. Mais je pense qu'on le comprend bien, là. Fait que, non, c'était vraiment... Ça devait bûcher à côté des caisses de son, de même, en plus. Ben, il faisait pas de son. Non, il était juste là pour la parure, là. Ben, genre, là, où c'est... Je sais pas ce que c'est, là. C'était peut-être juste des caisses, là. Tu peux mettre l'autre vidéo après, je pense que c'est le dernier. Fait que ça, c'est à la fin, quand tout le monde est sur le stage. Le rouleur de weed, il est pas loin, là. Arrête de rouler des il a les cheveux rasés, là. Et puis à la fin, comme ça, Melvins, c'est lui avec les longs dreads, là. Il joue tout le temps de l'accordéon, là. Puis là, c'est l'amour et tout, et tout, et tout. Fait que c'était merveilleux, man. C'est des souvenirs absolument incroyables d'avoir vécu ça. Puis, tu sais, moi, j'y allais un peu de reculons au sens qu'après 3 jours ici à gérer la shop, puis à être stressé, puis à faire des médias sociaux, puis à répondre au monde, puis faire du magasin. Puis là, puis on faisait ça samedi aussi, là. Puis après, samedi, on s'en va direct au show. tu sais, j'étais comme... Puis j'écoute plus vraiment ça, là, tu sais, on va se le dire, là, mais de temps en temps. Mais j'ai... Puis là, juste de vivre cette expérience VIP, là, c'est fou, je suis tellement heureux d'avoir vécu ça. Puis le pire, c'est que j'aurais pu y aller dimanche aussi. Il est lui, c'est lui le rouleur de weed, là. Le gars avec le cellulaire? Là, lui avec le cellulaire, là. Il est de dos, là. Ce gars-là, il connaît son shit, là. Et puis, ben, j'aurais pu y aller dimanche, puis j'avais même pas la force d'y aller, là. J'étais épuisé, man. Puis lundi, j'avais tellement de choses à faire, j'en parlais tantôt. Fait que voilà, man, c'était nos FX. Ils sont pas venus, mais on a vécu quelque chose. On a fait des excellentes journées de vente aussi, là, d'ailleurs. C'est hot, ça. Le double des très grosses journées. Et puis ça, c'était malade. Et puis on s'est peut-être fait des contacts avec eux pour le futur, là. Ce monde-là, ça se parle, là. Ton rouleau de joint, tu nous l'amèneras l'année prochaine pour le Garden Party, je sais pas, là. Certainement. Du weed dangereux, man. Si on... c'était malade. Fait que, quelle aventure, man. Wow. C'est pour ça qu'on a fait ça. Et puis on a eu bien du fun. Fait que si je suis pas allé... là, dimanche, parce que j'étais brûlé raide, puis il fallait que je me repose, parce que lundi, je faisais la grande tournée avec les déménageurs des arcades de Retro MTL. Ouais, vous avez rentré de nouveaux stocks? On a rentré deux nouvelles arcades. On a rentré une X-Men 4 joueurs, et puis on a rentré une NFL Blitz. Fait que là... Votre c'est... image de promo de, je pense, c'est Wolverine avec le casque de football et l'écœurante. <là. rire> Ouais, j'ai fait ça rapide. Mais le pire, c'est qu'NFL Blitz, on l'a depuis super longtemps. Pour récapituler très rapidement, tout l'excédent d'Arcade MTL était spread out chez Arcade Milex, okay. North Store. Dans le Mylan, il y en avait une couple là. Il y en avait ici chez Retro MTL. Il y avait les X-Men qu'il fallait aller chercher, genre à Parc, dans Parc Extension, au Metro Parc. Et puis, fallait aller au bar aussi. Fait que moi, lundi matin, 8h, chez Isit, on embarque tout l'excédent de Retro MTL dans le truck et Blitz. Après ça, on s'en va à un autre store, on embarque tout l'excédent. Ouais. Après ça, on s'en va au Parc Extension chercher la X-Men. Après ça, on va chez Arcade MTL, dropper X-Men et Blitz et partir avec trois autres machines. Ouais, c'est ça. Fait, vous avez dû sortir du stock, ouais. Ouais, il fallait en sortir au moins deux. Fait qu'on a sorti la Cruisin' USA qu'on arrivait zéro à ramener l'écran. Ah, pas capable. Okay. L'écran était dégueulasse. On a sorti Punch-Out. Ça me fait de la peine parce que c'est une très belle machine. Il y a beaucoup de monde qui joue à ça. Ben, c'est ça. Le monde ne joue pas bien. Mais on la garde. Elle n'est pas facile, par exemple, cette machine-là. Hey, non, elle est vraiment dure. Là. C'est pas pareil comme Koh Nintendo. Non, c'est ça. Le Nintendo. Non. Et puis, on a sorti Robotron. Oh non! Là, c'est mon cœur. Mon cœur aussi, mais celle-là aussi, on n'arrive pas à la... Elle retombe defect tout le temps. Joe, il a tellement essayé d'affaire. Fait qu'on s'est dit, tant qu'elle la voit, morte à trois quarts du temps. Ouais, parce que ça prend de l'espace, puis t'as pas tant d'espace que ça au bord non plus. Là, exact. Fait que là, on s'est trouvé un entrepôt avec mon collègue, mon partner d'Arcade MTL. Il connaît bien du monde dans un bar, puis il y a une place, un bar qu'il connaît, que les gars, ils ont quatre espaces d'entrepôt, genre comme dans la cour arrière du bar. OK. Mais une place qui contient quand même pas mal, là. Fait qu'on est allé entreposer ça. Puis, man, on a tellement des machines, là, tu sais, comme on pourrait ouvrir un autre petit bar facile. Là, direct, un bar dans l'entrepôt, genre. Ben, Chris, ça me rappelait quasiment nos débuts, ouais, là, dans l'heure et demie, c'était quasiment beau de voir toutes ces machines-là, là. J'aurais dû mettre une photo. Mais en tout cas, man, fait que ça a été ça. Fait que je voulais juste annoncer ça. Les deux arcades, anyway, vous l'avez vu sur les médias sociaux d'Arcade MTL. Le football recommence. T'es-tu un amateur de football, toi, Jeff? Non. Moi non plus. J'apprécie, mais je suis pas un amateur. J'écoute pas ça dans mes temps libres. Non, moi non plus. J'ai de la misère à comprendre les règlements plus vastes que genre les touchdowns, puis genre t'as 4 essais pour avancer 10 verges. Là. Exact. Le reste, je suis un peu mêlé. Là, ça, ah, moi aussi. C'est beaucoup. Tu sais que le genre, tu sais, il drop le ballon, mais le temps continue. Je suis comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Genre, je comprends pas tes affaires-là. Non, moi non plus. Puis le temps, à un moment donné, il arrête. Puis là, il y a des timeouts. Ah ouais, mais là, on va prendre nos 12 timeouts. Là, ouais. Là, je suis tabarnak. Pendant un bout, j'étais genre le gars qui écoute le Super Bowl pour les pubs. Là, il n'y a plus de pubs. Fait que j'écoute plus le Super Bowl là, du tout. Ben, je les vois toutes sur YouTube, les pubs. Hein, ouais. Ah, je l'écoute avec des amis, moi, c'est tout le temps ça, là. Mais, Eric, il dit pour une fois un cours, j'ai quand même joué beaucoup à des jeux de football, ça, c'est correct, là. Ah, ouais, hein? Mais j'écoute pas le sport, le football, là. Ah. Football, soccer, c'est des sports qui m'intéressent pas tant, là. Ouais, moi, ben... Basket non plus, c'est pas des affaires que j'écoute tant, là. Oh, basket, je prends jamais le temps d'écouter ça. Soccer, je l'écoute un peu, là. Soccer live, on dirait fois, que je trouve ça pas si... de moins en moins pire. Ouais. Ouais, live aussi, là. J'étais allé au CF, là, tu sais. Les voir à l'impact. Là. Ouais, j'ai vu quand c'est l'impact, Moussa. Les voir gagner, puis à ce temps, les voir les voir perdre. Mais les Alouettes gagnent, fait que ça, au moins, on est content. Ouais. Ouais, les Alouettes, je l'ai écouté beaucoup. Dans le fond, j'aime ça le football, ben, j'étais allé souvent aux Alouettes, pareil. Là, fait que, ouais. Mais j'écoute pas la télévision, en fait, là. Ouais. On n'écoute pas. NFL Blitz, c'est un classique. Le mini-pot RDS, ok. Tout ça. Ouais. Fait que voilà, rendez-vous chez Arcade MTL pour le lancement du football, jouer à Blitz et jouer à X-Men, que j'ai même pas essayé encore. J'ai pas eu le temps. J'ai juste pas eu le temps. Je suis parti de l'arcade à 9h30 du soir. Fait que de 8h à 9h30, c'était ma grosse journée. Fait que bien content que ça soit fait. Sinon, est-ce que t'as vu la grande nouvelle? Laquelle? L'annonce d'une Atari 7800. Ouais, j'ai vu ça. On en avait déjà même parlé, on a comme c'est ben trop niche, ils font jamais ça. Ils l'ont fait. Ben oui, Michael m'avait annoncé ça légèrement en primeur, genre une journée avant que ça sorte, là, je sais pas quoi. Fait que... le breakdance des Olympiques. Ouais, on en parle dans le Garden Party de ça, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, on en parle. On va en parler du Garden Party dans pas long. Fait que l'Atari 7800 Plus, mes beaux amis, c'est sorti. C'est une console... Il y a eu la 2600 Plus de Atari il y a pas longtemps et on l'a encensé à Rétro Nouveau, avec raison. Il s'agit d'une machine que tu utilises pour mettre tes cassettes de Atari dedans. Ça joue les 2600 et les 7800. Là, je parle toujours de la 2600 Plus, là. Et puis, ça vient avec les manettes joystick. Et puis, c'est parfait de même. C'est de l'émulation, mais est top-notch. Là. On l'a essayé, l'image est crisp, il n'y a pas de retard, il n'y a rien. Puis là, soudainement, comme quoi, un an plus tard, la 7800 Plus, et elle a exactement les mêmes specs. Sauf la manette. Ben, sauf la forme, là, bien sûr. Non, mais c'est une 7800, manette, mais la manette est sans fil. C'est une manette sans fil et deux boutons. Parce que tu as besoin de deux boutons pour jouer à certains jeux d'Atari 7800. Donc, ça, c'est un bémol que tu peux avoir avec la 2006. C'est rien que ta manette joystick. Fait que celle-là est full rétro-compatible 2006 puis de 7008. Exactement. Même affaire que la 2006, là. Ouais. Même affaire, là. Mais avec une manette sans fil. Mais elle vient avec une manette sans fil. Mais you know what? Ces manettes-là, tu peux les acheter si tu veux, séparément. Ouais. Fait que si vous avez une 2006, vous pouvez acheter cette manette-là, puis t'es en gros business. Ah, ouais, j'avoue. Puis cette manette-là, est pas comme. Elle a pas sorti. Ils ont pas sorti ça de leur cul, là. C'est une vraie manette. C'est un vrai design de manette qu'il y avait, je pense, en Europe, en fait. Ou quelque chose de même, là. Fait que c'est pas une invention de nulle part. C'est vrai. Et puis aussi, si tu cliques sur... Ah ouais, on la voit de côté. Je peux la mettre de côté. Ah, mais là, donc de côté, puis après, on va revenir à ces autres images. Ah, ici, ouais. Ah, OK, tu l'as, là. Ouais. Quand même clean, là. Je serais vraiment curieux de l'essayer. Puis ça vient aussi avec un jeu. Ah, ça, il te montre des jeux, des remakes. Certains remakes. Des belles boîtes, des belles cassettes. 7800, ouais. Des belles boîtes. Fait que il y a Ninja Golf aussi qui existe. Fred en a parlé à son show. Availability, un package content. Ben, c'est tout ce qu'il y a en haut, en fait. Ouais. Fait que, Bentley's Bear Crystal Quest. Remonte, on va le voir en haut. Plus haut. En haut de tout, hein? Prochaine image. Fait que ça, c'est un genre de homebrew fait qui a de l'air de très grande qualité, pour vrai. Là. Ça a l'air vraiment bon. Et puis, ça vient avec la console. Ça, là, ça, on dirait, c'est la mascotte de Crystal Castle. Qui a été réutilisé pour faire ce jeu-là, qui a de l'air d'être un solide platformer vu la force de la machine. Là, donc, ça, c'est pas inintéressant. Passe à la prochaine image, en dessous, on va voir la boîte, je pense. Des belles couleurs, tout et puis tout. Mais elle n'est pas du tout comme la boîte originale, la 7008. Ah, okay, okay. Mais elle a le même format que la 2006, à ce que je vois. Puis là, tu vois en haut, là, c'est Atari Plus Plateforme. Ouais. Ou Platforms. Ici, ouais. Fait que là, ça, c'est... It's a new shit, là. C'est le même qui nomme les machines de ce département-là. Je sais pas quoi, là. Huh. Fait que est-ce qu'on est en mesure de s'attendre à une 5002? Ça, insta-buy. Si ça lance, ça vend bien, pourquoi pas? Exact. Domaine dans le chat, il demande si on peut jouer avec les 5002. Non. 5002 demeure à ce jour... une prison, tu sais. Ouais. C'est une architecture unique. C'est leurs manettes, leurs affaires, tout ça, grosseur de cassette, tout. C'est incompatible avec tout. Tu peux jamais toucher, tu peux jamais jouer à ça, sauf si t'as la machine originale. Puis même en émulation, je suis même pas sûr là, qu'il y a des cores ou que c'est si développé que ça. Fait que moi, j'adorerais avoir une 5002 ouais, avec une grosse là. Library, là, tu sais. Mais Chris, si Atari le font, puis je vois pas pourquoi ils le feraient pas, là, ça serait insane, là, tu sais, vraiment. Ben, ça serait vraiment cool. Puis après ça, qui sait, on peut rêver de la Lynx et de la Jaguar. Ils peuvent toutes les faire, là, ouais, si on veut, là, tu sais, rendu là. Fait que voilà. Est-ce c'est que... beau, ça m'intéresse. Ben, écoute, t'en as-tu une de 1600? J'ai rien d'Atari chez nous du tout, là, de ces vieilles consoles-là. Puis ça m'intéresse de pouvoir le jouer plugé en HDMI, là. Ouais. Ben, tu vois, cette machine-là, je la considère plus complète que l'autre parce que, tu sais, elle vient avec une manette wireless. Ouais, ouais, c'est ça, là. À deux boutons. C'est intéressant pour une vrai. Manette peut-être plus agréable, mais elle n'est pas nostalgique au look, tu sais. Ouais, connaît... ouais, mais ça dépend de ce que tu cherches. Là. L'autre est en, avec le bois puis la manette, tu sais, tout ça est magnifique, mais... Moi, je suis toujours plus pouvoir jouer que le look, là, fait que c'est... Exact. Fait que je vais peut-être me pogner ça. Je pense que c'est en précommande présentement. Là, je suis serré, mais je me dis... Pre-order. Je me dois de... Ouais, tu peux pre-order sur le site d'Atari, mais je suis même pas sûr, en fait, parce que c'est en Europe, hein, ça. Fait que c'est surtout par Amazon que nous, pauvres canadiens, on doit passer pour acheter les guenilles d'Atari. Ah, puis... Mais tu sais, t'as qu'à ils te vendent la vieille manette, l'ancienne manette, mais wireless aussi. Oui, man. Ah, c'est hot, ils ont fait ça, c'est malade. Puis j'ai quasiment envie de me pogner des paddle controllers rendus là parce qu'ils en refont. Mais comme ouais, à l'époque. J'en ai pas chez nous. J'en ai de besoin parce qu'il y a plein de bons jeux qui se jouent avec les paddle controllers. Et puis, pourquoi pas? Man, tu vas sur le site de Atari, là, puis tout est tellement slick, puis propre, puis beau. C'est ça qu'il fallait, là. Man, ça donne le goût de tout acheter là-dessus. Là. C'est malade. Ils ont compris, là. Ah, ils ont compris, man. C'est un ostitant. Je trouve ça magnifique. Puis oui, finger cut dans le chat, 130, c'est quand même pas pire. La 2600 plus m'avait coûté sur Amazon avec le shipping et tout le kit. En canadien, à peu près 1000... voyons. J'étais comme sacré. On est dans les 1000 depuis tantôt. 10 fois plus cher, l'autre. À peu près 160, là, justement. Ah. Fait que pour ce que c'est, man... C'est vraiment un très bon prix. Ben oui. Moi, je trouve ça excellent. Fait que voilà. Checkez ça. C'est malade, ça. C'est malade. Montréalien qui dit « Je me souviens encore du jour où on tentait de faire jouer une cassette de 7800 de One-on-One Bird versus Dr. J. Sur de... Mais ton ami avait juste une 2006. Moi aussi, quand j'étais au primaire, j'ai un ami qui avait Food Fight. Ouais, un ouais, jeu ouais. de 7008. Mais moi, j'avais juste une 2006. Puis je pouvais pas y jouer, tu sais. Mais c'était mon rêve. Simon Lahaye, il parle de Food Fight en haut. Là. Il parle de Robotron, il parle de Joust. Là. Oui, Robotron 2084 sur la 7008. Comme Simon Lahaye dit, c'est un excellent port. Tu joues comment avec deux joysticks? Oui, une dans chaque main. C'est pas si pire, man. Non, mais tu peux jouer avec un joystick aussi, si tu veux. Ah, ouais. Fait que tu sais, c'est un joystick, là. Fait que tu payes sur le piton, là. Ouais, ouais. Mais si tu veux le real feel, là, c'est mais avec... Faudrait qu'il colle comme du monde sur la table pour jouer, pas qu'il se déplace. Exact. C'est tough, là. Ben, tu te sors un morceau de bois. Tu fais des trous grosseur manette. Ah, t'es rentre dedans, j'avoue. T'es rentre dedans. Ton bois, c'est le bois qui bouge pas. Ouais. Exact, exact. Ah, effectivement. Il y a de quoi à faire, il y a de quoi à faire. Effectivement. Et puis, Food Fight aussi. J'ai jamais joué à la version arcade, mais c'est un bon jeu sur 7008. Vous n'allez pas capoter votre vie en jouant à ces jeux-là, on s'entend. Là. Mais ça, c'est du bon stock, là, je vous le garantis. Prochaine nouvelle, puis ça a été annoncé dans le dernier Nintendo Direct, la collection Castlevania Dominus. Ah ouais. Dominus Collection. Fait que ça, c'est la compilation de Castlevania Dawn of Sorrow, Portrait of Rune et Order of Ecclesia. Les trois jeux de... je suis fatigué. C'est les trois jeux de DS. Donc, on vient d'avoir la compile des jeux Advance. Ben là, on a compile des jeux DS, mesdames et messieurs. Et puis, il y a aussi là-dessus Haunted Castle, donc le vieux jeu d'arcade. Il l'avait aussi, ça, sur Konami Arcade Classics, là, un autre compil qui est sorti. Mais Haunted Castle, il l'avait pas sur les autres compiles de Castlevania. Okay. Mais il l'a là-dessus. Huh. Et il y a aussi Haunted Castle Remake. C'est pas ça le nom officiel, là. C'est pas Rebirth, c'est en tout cas Reimagine, je sais pas quoi. Là. Okay. Fait qu'ils ont refait Haunted Castle. Puis moi, c'est ça qui m'excitait. Parce que le jeu d'arcade de Haunted Castle, originalement, il est intéressant. C'est comme c'est les origines de Castlevania, mais il est fucking dur. Puis je l'ai fini l'autre fois, ben pas l'autre fois, l'année passée, j'étais bien fier de ça. Fait que j'étais curieux de jouer en Haunted Castle. Puis je l'ai fait cette semaine, en fin de semaine, j'ai batté ça à Difficult quand même assez facilement. Ah, nice. Parce que je suis tellement bon. Un maître du calme. De tuage de. Ouais, mais du fouet de tuage de Dracula. Exact. Fait que j'ai joué à ça, puis j'ai quand même eu du plaisir. Là. Ça vaut la peine. Anyway, ces belles compiles-là, Castlevania. Si vous voulez y jouer, c'est parfait. T'as pas besoin d'acheter les jeux DS, qui demeurent quand même excellents et très agréables à jouer sur DS. Donc, si vous aimez collectionner les jeux DS, des must. Mais si vous n'êtes pas là-dedans, vous voulez jouer à ces jeux-là, je joue présentement à Order of Ecclesia, parce que j'y avais jamais rejoué depuis sa sortie. Okay. Puis ça, ça fait très longtemps. Fait que je voulais le réessayer. Puis là, j'étais à moitié du jeu, là, présentement. Ah. Puis j'ai bien du plaisir. Puis j'étais curieux de voir comment ça sortait un jeu de DS à l'écran. Tu sais, ouais, ouais. Comme il faut que tu touches à l'écran. Puis je joue pas portable parce que ma Switch est pétée. Fait que je joue juste dans TV. Ah ouais, ta Switch est pétée. Ouais. Bon. Mais tu utilises le right analogue pour pointer ah, à l'écran. Ouais. Ah, j'avoue. Mais dans cette série-là, il n'y a rien à pointer. Bon. Fait que t'es correct. Puis tu peux il y a des options de réorganisation des écrans à l'écran, tu sais, qui sont corrects, okay. Mais la map est un peu petite. Mais bref, très belle compilation. C'est déjà disponible. Ça a été comme disponible la journée de l'annonce. Et puis, pas d'annonce encore pour la version. Oui, Limited Run a annoncé la version physique. Ils ont annoncé, par contre, juste 3 variantes cover pour l'instant de la version standard Switch, mais j'imagine que tout le reste va déballer, débouler, puis il va y avoir la version collector ou classique NES, machin, je sais pas quoi, que je vais me procurer, et dont il y en aura bien des copies chez Retro MTL. Il y a Tony Biz qui demande qu'est-ce qui a pété sur ta Switch par curiosité. C'est mon Joy-Con de droite, il déconnecte tout le temps. Comme si ma console la reconnaît plus qu'il est connecté. Et puis là, je me suis acheté un kit pour ouvrir ma Switch parce que j'ai regardé des tutoriaux. Ouais. C'est très simple de se rendre jusque-là. Puis là, je me suis dit, Chris, I can do it. Puis là, j'ai fait un côté. Puis en voulant faire l'autre côté, la petite micro-vis là, qu'il faut enlever était tellement vissée, serrée qu'avec je l'ai strippé. Fait que là, man, c'est condamné les pour toujours. Les vis, là. Ben oui, man, c'est quoi ça, là, tabarnak, tu sais. Faites-nous ça pour qu'on puisse faire de quoi, là, tu sais. Fait que je l'ai pété de même. Puis là, j'ai mes analog controllers qui drift un peu, là, ou qui pèsent tout le temps par en bas. Puis l'autre oublie ça, elle répond plus. Ouais. Fait que tous ces beaux produits payés des centaines et des centaines de dollars qui ne fonctionnent plus. Ouais. Ça me fait tellement chier. Ouais, là. C'est clair. Là. Ah, man. Fait que voilà, sinon toi JF... T'as pas oublié quelque chose dans ton week-end de NoFX? Oh, t'as pas eu de la grande visite? Hey, on a eu de la grande visite. Je vais te laisser prendre une gorgée d'eau là, pendant que tu parles, des affaires à dire. Là. Exact, j'ai complètement oublié. Monseigneur Neveu a envoyé les cousins, la famille royale. Pété à là. Gueule. Pas me péter à gueule, non. T'as eu de la visite de la royauté de... Oui, monsieur. Donc, Monseigneur Neveu, ne pouvant être présent lui-même au spectacle de NoFX, il a envoyé deux minions. Là. Il s'agit de Johan Barrette à gauche et de Marc-André Boucher à droite. Ils sont grands, le monde, à la Verlochère. Ouais, ou c'est moi qui ai petit. Peut-être un petit des deux. Là. Mais les gars, ils viennent pas de la Verlochère, par contre. Mais ils se connaissent. Là. Je me rappelle plus. Ils sont cousins, là, en fait. Mais il m'a dit où est-ce qu'ils habitaient, les gars, mais je me rappelle. Les cousins du roi, c'est quoi dans la royauté? Je sais pas, man. Des sbires. Des sbires. Des sbires, me semble, c'est des méchants, ça. Ah, c'est peut-être ça. Il y a un chalet de Gojira, là, fait que ça se peut. Peut-être, hein. Peut-être. Mais en tout cas, bref, c'est malade, les gars sont passés puis ils nous ont amené des Doritos. Alors, ils ont passé le ça mot. Ça pas d'hostie de bon sens. Ça, ça se rend tellement loin, man, cette gag-là. Moi, je trouve ça tordant. J'adore ça, là. Exact. Puis on a même les Doritos ici, là. Comme preuve. Comme preuve que cela a eu lieu. Alors, il y a eu transaction. Les Doritos seigneuriales, je vais les mettre ici. Les Doritos seigneuriales. C'est malade. Fait que on a vécu quelque chose. Alors, je remercie les gars d'avoir pris le temps de venir en magasin et aller au show de NoFX toute la fin de semaine, nous autres aussi. Fait qu'ils ont fait des tours. Ben, ils venaient voir la merch aussi, là. Fait qu'ils ont amené Doritos, man. Ils ont tout fait ça bon. Fait que, C'était carrant. C'est très drôle. Sinon, toi... Hey, j'en ouvre un sac, man. Vas-y. Moi, samedi matin, je me suis levé. J'avais pas mon fils et je me suis levé très, très tôt parce que... C'est rendu ça, là. Quand t'es un parent, tu te lèves tôt, même si t'es tout seul, là. Fait que 7h, j'étais debout, puis j'étais comme... Est-ce qu'il faudrait bien que je monte le Garden Party? Fait que j'ai fini de monter le Garden Party. J'ai commencé à 7h le matin. J'ai eu une pause de peut-être 2h l'après-midi. J'ai fini à 1h du matin. Puis le lendemain, le dimanche, j'ai commencé à 7h. J'ai fini à 10h30. Puis là, j'ai parti mon render. Fait que j'ai monté un 15-20h de ça là, dans la fin de semaine. Ça donne un show d'environ 2h20. OK. Vous allez être gâtés. Là. C'est un gros spectacle là, avec plein de beaux montages. Puis, c'est une grosse discussion. Là, le Garden Party dans le gazebo. Exact. Pimenté de coupeurs, de trucs vidéo, des overlays, des affaires que j'ai mis pour que ça soit dynamique. J'ai fait la musique du gameplay. Ouais, à la fin, il y a un segment de gameplay de 9 minutes de nous autres que j'ai pu récupérer. Je l'ai mis à la fin, comme ça, c'est ceux qui sont en audio pourront le skipper s'ils veulent pas l'entendre. Là. Mais on a quand même des commentaires intéressants. D'accord, c'est du gameplay que vous jouez. On joue, on nous voit jouer, on voit le gameplay, puis la transition, genre nous autres en gros, en duplex, l'écran. En fait, ouais. Je dirais pas qu'est-ce qu'on fait parce que ça fait partie du fun de découvrir le Garden Party, mais. C'est presque prêt dans le fond là. Fait qu'on a des petites affaires à tweaker, j'ai du son un petit peu balancé, mais c'est prêt à sortir tout ça. Ben oui, il reste un peu de visuel à faire et puis moi j'ai rien écouté. T'as rien encore, vu de ça, là. J'ai rien vu. Fait que je vais checker ça genre sur mes heures de dîner, je vais par bout. Je t'enverrai les timings si tu veux voir des trucs précis, là, mais ouais, c'est bien intéressant. Je suis quand même content de ce que ça a donné. Là tu sais, genre j'ouvre l'échelle de montage, je suis comme calvaire, je fais quoi là? Genre j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on monte. Drop des vidéos, je me mets à déplacer des affaires, je suis comme ok, je prends mon vibe là. Ça faisait longtemps que j'avais pas monté un show de même là, le montage que je fais vidéo récemment, c'est genre, couper des vidéos pour des critiques, des affaires là, mais produire un nouveau show, ça faisait un méchant bout là. Ben genre les shows de fin d'année de rétro nouveau ou même pas de non temps, c'était plus c'était du podcast, c'était live, c'est des assets qu'on montait là, c'est comme je sais pas à quoi comparer ça, genre ça ressemble un peu à quand on faisait genre les sessions de gaming pour être au nouveau TV, que genre je coupais, je prenais des affaires. Ah ouais, hein, ça ressemble un peu à ça, c'est très dynamique là. Ah ben j'ai bien hâte de voir ça, sérieux. Je vais l'écouter au complet, je vais skip, ben je vais zoom vite par-dessus tout le parlage. Je te dirais où est-ce qu'il y a des affaires. Le premier 20 minutes est bien intéressant là. Tout le reste aussi, mais je disais en visuel, après ça t'as du blabla puis ça coupe. Il y a des shots de nous autres dans la piscine qui font des backflips. Puis ouais, ça, comme ça. J'ai tout mis ce que j'ai pu mettre. Malheureusement, Eric m'a donné du footage filmé vertical que j'ai pas pu prendre parce que c'était filmé vertical. Quel footage? Ah, de la piscine. Ben, de la piscine, puis genre de moi qui fais de la bouffe. Il y en a dans le bon sens, mais ceux qui étaient comme vertical, je les ai pas mis. Ça cassait un peu le mood, là. Ouais, j'avoue. Mais fait. C'est correct, là. C'est bien parfait. Puis ça nous donne une bonne base pour la prochaine fois de savoir ce qu'on a besoin, là aussi. Là. Exact. Exact. Il y a peut-être des shots de filtreur de piscine, je sais pas. Ça se peut qu'il y ait ça. Eric qui dit bon, ben non, Eric, c'est bien correct. Là. Tu m'as donné bien du bon footage aussi, là. Fait que tu t'en masses, là. Il y a un gros segment aussi où est-ce qu'on répond à des questions que je t'en chess. T'es en chess, je t'en maillot de bain, man, en chess, en chaise. J'ai regardé vite fait, man. J'ai de l'air gras un peu, mais je suis pas si gras que ça. Puis à cause du gros set, t'as comme une couette blanche dans le milieu, là. Ben, j'ai une couette blanche. Ouais, mais de même, elle paraît moins. Genre, quand t'es dépeigné de piscine, c'était tellement blanc, c'était quand même drôle. On a vieilli beaucoup cette fin de semaine-là. Oui, vraiment. Ah boy. Fait que ouais, on va vous donner une date de sortie bientôt. D'après moi, dans 2-3 semaines max, on va sortir ça. Là. Ben, l'objectif, c'est de le sortir. On va avoir un autre show la semaine prochaine. Ouais, parce que là, on revient à l'adresse édule. Là. C'est ça, exact. Fait que dans le fond, le but, c'est de le plugger un mercredi qu'on n'est pas là. Probablement mercredi le 18, de façon non officielle, mais c'est ce que je viserais si on n'a pas d'autres pépins là ou que ce genre ça ne ben, c'est pas mal fait là, comme ça. Ben, il est fait, à moins que t'es comme non, tout ça, t'enlèves ça tout de suite. Là, tu genre, m'enlèves mettons, ça, tu m'enlèves ça, puis tu mets pas ça live. Là. Tu surprendrais, j'ai écouté plusieurs fois, puis tout est bon. Il n'y a rien qui nous compromet là-dedans. Là. Ben, on a tellement dit d'affaires. On se compromet tout le long, mais par nos paroles. Là, fait que c'est ouais, correct. Mais ben non, j'ai bien aimé ça. J'espère que les gens vont apprécier. Là. C'est un beau trip d'avoir fait ça. Là. Absolument. Puis merci encore d'avoir tout setupé ça, puis la bourse. J'étais quand même content du look visuel de nous autres dans le gazebo, parce que quand je l'ai filmé, j'étais comme, c'est bon, on est à contre-jour. On est à contre-jour, ouais. Mais j'ai pu balancer là, un peu l'éclairage. La webcam a fait une bonne job pour genre... Pour une webcam. Pour une webcam HD, pour pas blaster l'extérieur. Puis j'ai quand même été capable de m'arranger. Là, fait. Ouais. Voilà, j'ai sorti mes talents de gars de color correction, puis j'étais allé à fond, là. Mais color correction, ça, c'est comme un layer. Tu peux-tu comme juste y mettre, puis color correct tout, là? Non, ben, faut que tu dises ce que tu veux, là, mais t'as un lumini quelque chose, là. Fait que là, t'as comme, tu sais, le contraste, le brightness, là, t'as un paquet d'outils, mais oui, tu le mets. C'est un layer, tu peux l'enlever, là. Ces specs-là, sur tout ça. Ouais, ben ça, je l'ai fait une fois, puis je l'ai copié partout, là. Ouais. Puis, tu sais, t'as un petit crochet pour le désactiver, puis je regarde pas de color correction. Avec le color correction, je fais, méchante belle job là, que ça donne. Ah ouais. Pour vrai, là, c'est très sombre sinon, là. Et voilà, ben, fait que j'étais bien content de ça. J'ai bien hâte de vous le présenter, tout le monde. Ben, good job, man. On s'en va aux Oscars avec ça. Peut-être pas. Ceux qui connaissent tout Young Media vont reconnaître mon style de montage. Là. C'est ce que je fais d'habitude. Là. Qui est comment? Qui est très funny et très lousse. Là. C'est pas sérieux, puis c'est là un peu en même temps. C'est bien fait dans mes niaiseries. Parfait, ça. C'est ça qu'on j'ai veut. J'ai bien aimé ça. J'ai même mis une séquence d'ouverture que personne n'a vue. Dans nous autres, j'ai filmé ça après. Fait que c'est... Parce que comme, il faut que ça commence trop sec, il manque quelque chose. Vous verrez. Non. Parfait, ça. Puis on a filmé ça chez GF en passant, hein, juste pour le rappeler. Hein. Fait que non, on aurait fait que ça ne serait pas venu au Garden Party, je pense. Chris, tout le monde aurait trippé, mais ça aurait été un peu loin. Là. Ça aurait été débile. Nos FX dans le jardin derrière. Là. On aurait été proche de la boulangerie. Ouais, on aurait pu avoir du bon pain. Du bon pain, puis de la bière chez Mumu. Oui. Exact. Ouais. Des coronas canadiennes. Alors, c'est ça qu'on disait. C'est Eric qui disait ça, c'est ces petites coronas canadiennes. Ah oui, les moussettes, c'est des coronas canadiennes. On a très mal prononcé le mot gazebo aussi une couple de fois. C'est, ah ouais? Ouais, à l'ombre du gazebo. On devait avoir la bouche un peu molle à un moment donné. Je pense que c'est Kevin qui avait dit ça, puis on l'a juste repris en gag plus loin. Là, c'est, il y a de l'équipement qui s'est brisé dans ce Garden Party-là. Il y a toutes d'affaires qui se passent, là. C'est quand même ah bien. Oui, là. Ah oui, c'est vrai. Des chips sous-marines. Tout ce qu'il faut, man. Tout ce qu'il faut pour avoir du plaisir. Puis sinon, ta piscine, on l'a-tu brisé? Ah, il y a un update piscine. On a-tu brisé ta piscine? C'est pas vous autres qui avez brisé la piscine. Non. Mais la piscine t'a brisée, oui. OK. Donc, on s'est-tu baigné dans une piscine brisée? Ouais, mais on était chanceux parce qu'elle avait été remplie à cause de l'inondation de la veille, là, de tout ça. Fait qu'on l'a pas vu descendre. OK. Puis je pense qu'au dernier podcast, c'est ce que j'avais dit. J'avais vu que la piscine descendait, il fallait que je rappelle mon piscinier. Fait que là, genre, le piscinier. Fait que là, je suis comme, tu sais, je fais des tests. Puis là, je ferme l'énergie solaire sur le toit pour me dire peut-être que c'est les tuyaux sur le toit qui coulent. Finalement, descendant encore. Fait que là, je dis au gars de piscine par téléphone, je pense que ça descend encore. Fait que je vais. Ça descend, qu'est-ce que je te dis? Il dit, OK, ben on va venir faire un test de pression la semaine prochaine. Tu sais, là, fait que ferme ton moteur, tu sais, puis attends un peu. Fait que moi, je m'en allais en chalet cette fin de semaine-là. Ferme mon moteur. Je m'en vais. J'amène mon gars dans un chalet pour la première fois de sa vie, là, genre, que je le sors aussi loin, couché ailleurs. Tu sais, c'est une grosse première pour mon gars. Juste les deux? Non, avec mes parents, mon frère, puis la fille à mon frère. Ah, c'est cool. Il y avait un chalet dans les Laurentides. Et j'étais un peu nerveux parce que je partais en plein trafic à 3h30 le vendredi. Ah, c'était un 2h15 de transport. Mon gars tout seul dans le champ en arrière. Ça a bien été la première heure et demie. Parce qu'il dormait? Non, il me jase. Là, puis il dort plus en char. Là, il me fait juste me jaser, puis il me dit des jokes. Puis on se parle, puis on déconne. Puis là, après une heure et demie, il me parlait plus. Puis je regarde en arrière, puis il a plus sa casquette, puis il est blanc. Là. Ah non. Puis là, je suis comme, t'es-tu correct? Papa, laisse-moi dormir. Je suis comme... Il me semble que tu étais chaud. Laisse-moi dormir. Ok, ben tu dors pas, mais ok. C'était 2h15, me rendre au chalet. 2h13. Bleh, vomi partout. Oh, genre le brocoli de la. J'étais comme. Ah, oh, c'est petit tabarnak de corps. Je suis dans le char. J'ai pas rien pour ramasser du vomi. Oh, il y en a. Il est beurré plein. Je suis comme. Ah, oh, c'est petit tabarnak. Je peux même pas attendre 2 minutes pour me rendre. Faut que je me parque sur le bord. Je le parque sur le bord. Je le sors sur le bord d'un genre. D'un bois. Je le mets quasiment tout nu, j'enlève son linge, je ramasse le vomi dans le char, je suis comme... Tu ramasses avec tes mains, aussi? Non, j'ai pris son maillot de bain, puis genre mon maillot de bain, puis j'ai ramassé avec mes mains mon maillot, je crie ça à la terre, je suis comme... Asti de dégueulasserie, genre... Ah, oh, pauvre là, j'arrive au chalet, genre mes parents, mon frère, tout le monde est comme... Yeah, Gabriel est là, je suis comme... Allez, vous une laveuse, asti de calice de tabarnak? Ouais, au moins, il y en a au ouais, chalet, là. Après ça, il allait bien, là, moi, j'étais comme... Ah, sacrement, là, fait, pauvre, 2 minutes avant d'arriver, là, genre... J'aurais dû m'écouter, arrêter le char, puis le sortir du char, genre, quand c'est le temps, là. Ouais. Je le voyais qu'il avait l'air de pas filer, puis c'est plus... ça pue du vomi. Ouais, c'est dégueulasse, puis c'est ouais, ça. Du vomi, ça pue en tabarnak. Dans le char, puis ça fait 2-3 fois que ça m'arrive, qu'il genre, il se dégueule dessus dans le trafic, là, genre, comme... Ça fait 2-3 fois que ça t'arrive dans ouais, le ouais, char? Ouais, dans le char, là. Ah, les 2-3 fois, c'était à cause de la chaleur, je pense, là. Ah, ouais. Une fois, j'avais été au musée des trains, puis il y avait un trafic random, c'est à 132, genre, puis c'est comme, il s'est vomi dessus, genre. Oh, dans le trafic arrêté, je peux même pas me tasser, là, c'est... Ah. Seul avec pas de linge, là, pas de serviette, c'est dégoûtant. Oui. Ben bref, belle fin de semaine. Ça m'est arrivé aussi une fois avec mon gars. C'est ça. Moi, j'étais proche de la maison. Passage obligé, là. Mais bref, belle fin de semaine. Faites du pédalo avec mon gars. Faites du paddleboard aussi. Ah. Tout seul. Et si boire. Ça, c'est ce que j'en fais de ça, là. C'est rough, le paddleboard. Ouais. Ben c'est rough. Je trouve que c'est pas très stable. C'est difficile d'être un peu stable. Puis là, je suis comme, ah, moi, il est à genoux. Grand aussi. Ouais, mais je suis passé à genoux, mon frère, il disait, ah, va pas te mettre debout dans le milieu du lac, tu vas tomber, c'est sûr. Là, j'étais dans le milieu du lac, qu'est-ce que tu penses que je fais? Je me lève debout, là. Ben oui. J'ai pas tombé. Bon. Mon gars, il était dans le pédalo, puis il voulait que je tombe. J'ai pas tombé. T'as-tu réussi à ramer debout? Ouais, j'étais comme ça. Je me suis promené quand même sur le lac pas mal, puis je suis revenu. Bref, le dimanche, je reviens chez nous. Je suis comme, bon, on va aller voir la piscine qui n'a pas descendu. La piscine avait descendu. Okay. Le moteur fermé en dessus de l'écumoire. Là, j'ai fait comme, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Genre. Et là, je me mets à regarder, j'observe un peu. Puis genre, je me dis, ah, peut-être que l'écumoire accoule. Je sais pas trop. Puis là, finalement, le gars, il est venu. Le piscinier. mon piscinier avec le tatou à l'arrière de la tête. Là, le pro de la piscine. Là. C'est un tatou de piscine? Ça aurait été hot pour vrai. C'est que ça aurait été hot. Et finalement, il est venu. Puis là, il check. Il est comme, ah non, c'est correct. Puis là, il regarde, tu sais, les retours au dos. Là. C'est comme des genres de petits gadgets, des petits tuyaux en plastique qui sortent. L'eau qui revient du filtreur. Ouais. Là, il défait ça. Il dit d'un tabarnak. Il dit, c'est des trucs de jacuzzi. Là. C'est pas des trucs de piscine creusée. Moi, j'ai rien touché. Là. Ça fait genre 7 ans que je suis là puis j'ai pas rien fait. Puis deuxièmement, t'as pas de gasket en arrière. Fait que genre, t'as pas rien entre la toile puis ton truc de plastique. Fait que tu perds de l'eau tout le temps, c'est sûr. J'suis comme, calvaire. Genre, OK. Là, il change. Ouais. Il remonte ta piscine puis il repart à rien. Puis attends. Il remonte, je remonte ça, il s'en va. Ça repart le lendemain matin. Puis ça, il avait descendu. J'étais comme, tabarnak, esti! Ça me semblait trop simple, cette histoire de gasket-là, pour ça. Là. Mais ça descendait, genre, le tiers de la descente d'avant. Fait que je suis comme, il avait réglé quand même un des problèmes. OK. Puis là, il dit, ben, tu sais, il dit, continue à laisser descendre. On va regarder où ça arrête. Puis là, à chaque jour, j'avais des suivis le matin, tu sais, genre, photo, on continue. Ça descendait un petit peu, Ah ouais, tu lui textais ça. Il dit, ouais, okay, il dit, à 8h le matin, il dit, pi. Puis là, on cherchait le trouble. Ben, je pense qu'il voulait pas me faire payer trop cher, ce qui est très smart. Là. N'importe quelle autre compagnie aurait essayé de me crosser et me vendre n'importe quoi. Là. Ouais. Puis là, j'étais comme... Mais pas ton piscinier. Non, là, c'est un pro, là. Puis là, mercredi, c'est la semaine passée, il m'appelle le midi. T'es de chez vous? Je suis, ouais. J'ai reçu mon kit à 5000$ pour trouver les trous dans la piscine, je m'en viens. Puis là, il monte ça, là, genre. Il a écrit ça un fil électrique dans l'eau. Puis là, il y avait un bâton avec des écouteurs. Puis il me dit, genre... L'électricité, elle va frire quand il y a des trous dans la piscine. Là. Fait que si tu passes le bâton et que ça se met à buzzer, ça dit qu'il y a une fuite quelque part que l'électricité rentre dans le trou. Okay. Il a trouvé deux petites fissures genre, dans la toile, à terre. Et il a enlevé mon écumoire qui était pas de gasket non plus. Fait que t'avais tout le bord de l'écumoire qui coulait en arrière. J'ai comme, comment vous avez monté cette petite crise de piscine-là, tabarnak, genre? Mais à l'époque, là. À l'époque, là. Ouais. Fait que probablement qu'avant, c'était peut-être plus collé, il n'y avait pas eu tant de pression, fait que ça coulait moins, puis avec toute l'eau, ça a fini par couler. Là, il répare tout ça, il se met en chest, s'en va dans le fond de l'eau, il met les bouches, les trous direct dans le fond de l'eau, tu sais. Attends, mais il reste-tu en jeans? Mais non, il était en short, il était pas en jeans. Ça était en crisse en jeans, là. Fait que là, il dit, je pense que c'est beau, là. Il dit, tout a l'air correct. Fait qu'il remonte là, puis attend avant de la partir, puis demain matin, tu auras ta réponse. Là, il repart. Mais ben, attends. Y a-tu sorti une serviette? Non, il y en avait une. Ah, ben le piscinier a tout le temps. Mais moi, j'étais dans la maison, je travaillais, là, j'avais 1000 meetings. J'étais sur mon comptoir de cuisine avec mon laptop, puis je le regardais, puis comme je le vois en chest, avec des lunettes, genre de piscine, speedo. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe dans la cour ici? Le gars, il a tellement travaillé fort. Mais la piscine était tout sale, genre, puis elle avait baissé. Je suis comme, t'es pas payé assez cher, toi, pour rentrer dans la piscine de même, là. Oh, ouais, écoute, il y avait du fun. Il y a eu du plaisir. Puis comme, ah, ils disent, on apprend à les deux, check, là. J'ai jamais pris ça, cette machine-là. J'étais allé voir sur YouTube, hier, comment ça marche. J'étais comme, si, boire. OK. En tout cas, j'ai remonté à la piscine le lendemain matin. Je suis sorti dehors. La piscine n'avait pas descendu. OK. Là, j'étais comme, all right, c'est réglé. Il est comme, yeah, thumbs up. J'ai m'envoyé un bonhomme qui fait ça sur Messenger, genre. Puis j'ai passé à la piscine et là, je me suis mis à faire de l'anxiété de piscine, là. Fait que là, à chaque 20 minutes, je regarde, là, je suis comme, ça a baissé. Ça a baissé. Non, ça a pas baissé. Ça a pas baissé. Ça bien, non, il était trop de bonheur, je pense. Hein. Ah ouais. Fait, bref, mais ma piscine est réparée. Ce qui est plate, c'est que l'été est fini. fait que j'espère qu'il va y avoir 2-3 journées de chaleur, que je puisse remonter un peu pour me baigner mon gars au moins une fois, là, pour pas dépenser des milliers de dollars pour rien dans la piscine. Elle va être prête l'année prochaine, là, mais. Ben, en même temps, l'hiver, hein, ça brise les piscines. Ouais, mais là, tout a été changé, fait que tout devrait être neuf, là. Puis ça m'a coûté, pas si pire, il m'a coûté genre 600$ total pour genre 3 heures de call de service qui est venu plusieurs fois. J'étais comme, je m'attendais à 1000 plus, fair enough. Là, c'était un bon prix, là, il m'a pas crotté. Là. Ça fait que t'as mis combien cet été dans cette piscine-là? 400 000 facile, d'après moi. Là. Chris, c'est combien ça coûte une piscine neuve? Je sais pas, ben, une piscine creusée doit être bien plus chère que ça. Là. Mais il m'a dit, t'sais, peut-être le drain de fond qui est brisé, mais t'sais, si le drain de fond qui est brisé, on va le boucher parce que ça coûte 6000$ à réparer. Je suis comme... Ah, oh ouais, non, c'est correct, là. Genre, on réparera pas, là. Puis j'étais marre. Il faut que je rajoute 80$ de sel parce que mon sel était à zéro dans la piscine. J'étais même monté, descendu que ah ouais. C'était de l'eau claire, tu sais. Puis il me dit, ah, ton eau est pas encore gluante. Mais quand j'ai mis le chlore, il y a genre de la poudre verte qui est tombée dans le fond, fait qu'elle s'en allait devenir genre verte un peu là. Je l'ai cassé juste à temps là. Colin. Fait, j'ai une belle piscine bleue là que je me baigne pas parce qu'il fait trop verte. Hey. L'an prochain, on va se baigner en est. Pour ah ouais, c'est clair, c'est clair. On fait que ça. Ah ouais, ben je me suis quand même baigné beaucoup, mais j'ai eu beaucoup de problèmes qui ont fait que ça a coupé mon été. Là. Le filtreur a été arrêté tout le temps. Là. C'était de la merde. Là. Ben l'année prochaine, pour vrai, on pourrait y aller, là, les chummies. Là. Invite le monde. Ben oui, mais on, c'est on ce que se j'ai... baigner à mort. Là. C'est ce que j'ai dit aussi un peu avec le Garden Party, mais genre, sans faire un show. Genre, sans venir... faire un show, se baigner si, toute si j'ai la pas journée. Mon gars, venez chez nous. N'importe quand. Là. On va se baigner, on va jouer des jeux. J'ai une TV en haut, une TV en bas, puis un bar, puis j'ai un bar tout. Là. Ah oui, il y a un bar, puis des arcades. Ouais, les chummies de Montréal, puis tout le monde qui veut venir, venez-vous-en. Très bonne idée. On va se faire des petits parties, des petits mini-weg barbecue, là, genre dans le cours chez nous. On est à un Uber de là. Ben oui, faire des Uber communs, puis ceux qui sont proches iront coucher chez tes parents. Là, exact. Se baigner chez mes parents aussi. Fait que piscine réparée, petit gars qui vomit, puis let's go. Hey. Des belles semaines. Des belles semaines. Et des fêtes de semaine de montage au grand complet. De montage au grand complet, puis tout le reste de la fin de semaine. En fin de semaine, j'ai fini un jeu, on parlera tantôt. Là. Ouais. Puis sinon, mais ma job encore qui me brûle en débile mental, c'est fou. Mais elle te rend riche. Pas tant, avec l'argent qui tombe dans la piscine après l'autre. Ah, ben là, ça, c'est sûr que c'est un gouffre financier. Le gouffre financier des piscines creusées. Là. J'aurais pas eu tout ce trouble-là si elle avait été hors terre, là, mais. Ouais. Je l'apprécie quand elle fonctionne. Ah, ouais, c'est hot quand même. Là. C'est plus hot une piscine. Fait que la saga de la piscine est terminée, donc faut que je me. Là, j'ai déjà reçu hier le email de hey, faudrait booker votre rendez-vous pour fermer la piscine. Je suis comme. Hey, man, hostie. Ok. C'est comme quand tu sors de chez le dentiste pour une réparation, esti, à 500$, puis il veut booker tout de suite dans 3 mois un nettoyage. Hey, ben, mange de la merde, mon gars. Dernière fois, on s'en reparle dans 2 ans. En avril, j'allais mon nettoyage, j'ai comme, t'as pas de caries, tout est beau. T'as des dents qui ont des petits trous dedans. On pourrait mettre des petits plombages juste pour que ça recreuse pas plus. 4 petits plombages, comme, fine, me donne la facture, genre 750$. Comme, voyons, tabarnak, 4 plombages ah ouais. Que tu me gèles même pas. Ouais, je pourrais le faire moi-même, là. C'est... Ah, ils cherchent de l'argent, ce monde-là, esti, c'est. C'est un racket, ça, les Ma mère m'a toujours dit d'aller dentiste ou ophtalmo quand j'étais jeune. Ça fait bien de l'argent. Ah ouais, hein, c'est ça. Comme, je ne m'intéresse pas de faire autant d'argent puis un job de merde. Là, je fais un job de merde avec moins payé présentement. Fait. Ah ben, faut que t'aimes ça, là, avoir les mains dans la gueule. Du ouais, ophtalmo peut-être moins. Là. Les yeux, c'est facile. Là. Mais c'est facile. Je veux dire, c'est moins dégueulasse que la bouche. Ouais. Ben, tu sais, c'est pas rien. Tu sais, mettons, nous autres, on peut sortir le jeudi puis rentrer travailler le vendredi un peu tout croche. Mais quand t'es dentiste ou médecin ou whatever, ouais, mon dentiste, faut que tu sois tout le temps on top of ta game. Là. Mon dentiste iMac. Il s'appelle iMac. Ah ouais? Ouais. Comme un iMac. Là. Ah ben, IMAC. Je pense que c'est HIMAC. Puis je vais plugger mon piscinier, piscine JC multiservice à Saint-Hubert. Bon. Faites affaire avec eux autres, ils sont excellents. Pas parce qu'ils ont des tatous en arrière de la tête. Ben non, ça fait du monde qui ont vécu leur jeunesse comme du monde. Là. Exact. Puis ils n'ont pas peur de se mouiller, esti. Je pense que le gars a 4 enfants en plus. Fait que c'est un gars professionnel. Là. Un bon bonhomme. Il est venu chez nous le samedi, Mickey le dimanche matin à 8h. Le gars, il est impliqué. Là. C'est bon, ça. Fait que ça serait tout pour l'intro. Ouais, je pense. Ça fait 50 minutes qu'on fait l'intro. Ça fait une heure d'intro. Ben, les intros puis le show, c'est un peu ma affaire. C'est un peu ça. C'est un vlog. On est dans un gros vlog ici. Là. Exact. Mais là, on a de la collection. Oui! On serait rendu là. Oui. Oui, donc voilà le panneau. Je sais plus si on avait un panneau. Là. Ah oui, on a... D'ailleurs, juste dire aux gens, pour les questions du public, on vous a lu sur YouTube, on ne la mettra plus, la musique. Là. Ah, la musique de Blaster Master pour les questions, en effet, on ne la mettra plus. Mais on n'a pas de questions pour la collection. Non. Alors, on s'en va à collection, mesdames et messieurs. Et puis, ça fait chaud au cœur de retrouver la table, ouais. le bois de la table. Fait que j'ai 5 jeux aujourd'hui, puis je vous en présente des très récents. On commence avec Shadow of the Ninja Reborn. Donc ça, c'est un jeu à 45$ neuf chez Retro MTL, dont il est déjà sold out. Ah ouais. Fait que ça, c'est un ça jeu... Ça dit rien, ça, c'est vrai. Ça dit rien? Non. En rétro nouveau, et puis en général, on vend beaucoup les jeux NES de style fait par Natsume, de style industriel, badass et tout ça. Puis Shadow of the Ninja, c'en est un. Tu sais, Power Blade, Shadow of the Ninja, Shatterhand, Dragon Fighter. C'est Natsume qui ont fait Shadow of the Ninja à l'origine. Puis là, c'est pas écrit Natsume nulle part là-dessus. Ah, Reborn, c'est un remake. Ah oui, Natsume Atari ici. Fait que c'est un complet remake de Shadow of the Ninja au NES. C'est que au NES, ce jeu-là, à l'origine. Et puis, J'ai aucune idée. J'ai pas joué, je l'ai eu à matin. Et puis, parce que la livraison était en retard. Et puis, on a commandé peu de copies, puis ils sont déjà toutes vendues. Fait qu'on va peut-être en recommander. Et puis, c'est ça. J'ai aucune idée. Je sais pas si c'est bon. Mais notre ami Kevin Boily, qui est dans le spectacle, oui, dans le Garden Party, il l'a essayé avec son ami Bebleu. Il a pas aimé ça? Et puis, il a aimé ça! Il a aimé ça! Fait que, c'est juste pas du temps sur le personnage à Kevin. Fait que si Kevin a aimé ça, ça n'a pas le choix d'être bon. Là. Je pense pas que j'ai aimé un jeu. Je pense pas que j'ai jamais pas aimé un jeu que Kevin aimait. Ah. Donc ça va être intéressant. J'aime pas, moi, personnellement, le look là, cartoony, là, très rond de ces personnages. Et ça se traduit également dans le gameplay. Ah ouais, ouais. Où est-ce que c'est pas. C'est bubblegum un peu. Là. Okay, okay. On s'attendait personne à ça. Et puis ça nous fait un petit peu peur. Mais j'aimais pas du tout le look de Streets of Rage 4. Et finalement, c'était un jeu absolument incroyable. Donc j'ai bon espoir pour Shadow of the Ninja. Et ça vient même avec un manuel de luxe. Oh, du papier! Je pourrais bien l'ouvrir tout de suite. Unboxing, mesdames et messieurs. Oh non! On veut voir ce manuel de luxe. Parce que je vais jouer anyway. Fait que voilà. Oh, on a-tu un artwork différent? Et non, c'est le même. C'est le même. C'est en français, non? Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Ah, l'autre, il est double. Il n'y a pas le bal. Il n'y a pas l'image de l'arrière. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un peu de la merde. Est-ce que les cartouches de Switch goûtent encore la merde quand t'es liche? J'ai jamais liché non, moi non plus. Encore de cartouches Switch. Prochain show. Fait que là, je vais montrer le livret en étirant mon micro. Ah, tu peux. Fait que voici Hayate et puis K.E.2, là, sont là encore. Les armes, la boisson. Il y a un gun. Ça, il n'y avait pas de gun dans le premier. On dirait un 12. C'est rajouté. Fait que gros power, des attaques, des pogo attaques, ça c'est nouveau aussi, il n'y avait pas ça. Pogo gear attaque. Mode, je sais pas ce que c'est. Katana et l'espèce de... C'est moi qui le lis. Katana et l'espèce de chaîne là, que t'envoies. Ah ouais, ouais, ouais. C'est les deux armes qu'il y avait. Fait que ça c'est encore là. Alors, et voilà, on voit aussi à la fin de la publicité pour Pokémon Rocky Reshrine, excellent jeu, et The Ninja Saviors Return of the Warriors, grand, grand jeu. Hmm. Fait que. C'est Tengo qui fait toutes ces affaires-là. Bravo Tengo de refaire ben ouais. De faire des jeux qui sont si bons. C'est très plaisant. Mike Leclerc qui dit quoi? Ça existe encore des manuels. Il y a Fingercut qui est semi-croquant avec un livret. Tout le monde capote sur les livrets en ce moment. Ah, écoute, ces petits livrets-là. Et puis, prochain jeu, également de 45$. Ah. Oups, 45$, oui, c'est bien ça. Oh oui. Ouais, c'est bien ça. C'est sur deux pitons de mon côté. Il s'agit de Doink Soft Collection. Donc le public. Ah, Demon Throttle, ok, ouais, ouais. Ouais. Là-dessus, il y a trois jeux. Il y a Gato Roboto, qui est un excellent Metroidvania d'un chat. Très Metroid d'ailleurs, ouais, dans ouais. Le look, là. C'est cool, mais c'est très bon. Demon Throttle, qui est un jeu qui ne sortait et qui demeure à ce jour que physique. J'avais fait la critique à Rétro Nouveau de celui-là. Ah ouais, tu l'avais fait. Ouais, hein? J'avais joué joué au WEG. Avec Matt Bonnet, on l'avait passé à deux. Ouais, WEG. Ah, c'est ça. J'ai jamais joué encore. Mais là, you know what, je vais jouer à celui-là. Puis je vais pas bon. Déballer ma copie physique seulement. Fait que c'est très cool. Et puis, au centre, c'est Gunbrella. C'est Green. Un jeu de mots entre Umbrella gun. Et Gun. Donc, t'as un fusil parapluie. Wow. Et puis. Je l'ai essayé chez notre ami montréalien dans son sous-sol de gaming quand j'étais allé chez eux. L'autre fois, il a juste popé ça de même. Et puis, je suis comme, c'est le seul que j'ai pas. Ah non! J'ai tout le temps voulu essayer ça. Puis ouais, ouais. Il n'existe pas, lui, en copie physique tout seul. OK. Fait que tu peux finalement l'essayer. C'est là-dessus. Et puis, c'est un run and gun Metroidvania, si je peux dire. Puis avec ton parapluie, ah, ouais, ouais. Tu planes et puis... ça m'intéresse ta collection-là. Tu pars au vent, tu fais des affaires. Fait que, pour vrai, très belle collection, ça, published par Devolver. Ah, donc, plus, ouais. C'est excellent. C'est présentement disponible chez Retro MTL. Il en reste quelques copies, je crois. Montréalien, ouais, qui dit très tête, Gunbrella. Alors, je suis bien content. Et maintenant... On se transporte comme par magie dans l'univers du Super Nintendo. On commence avec un facile, The Adventures of Rocky Bullwinkle. Ça vaut 15$. Il me semble que la caméra est loin. Hein. Faudrait ajuster ça. Ben, ça dépend. Elle bouge un peu. Là, c'est... Ouais, c'est ça. Qu'elle est loin. Ben, les jeux sont petits. Ouais. Je pourrais peut-être la zoomer, effectivement. Ouais, faudrait la zoomer un peu. Pas là, mais un moment donné. Ouais, ben non, pas là. Exact. Puis ça, c'est notre ami Jean-François Bibeau qui a trouvé ça dans une convention quelconque et qui venait à NoFX en fin de semaine. Ah, nice. qui me l'a apporté. Donc, c'est HQ qui fait ça? Oui. Oui, c'était HQ. Il y a une imperfection sur le label en avant, puis je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'enlever le collant en arrière. Fait que ça vaut plus de 15$, ça vaut 10. Exact. Je vais enlever le collant en arrière, puis ça va être ça, puis elle va demeurer sur ma wishlist, quand, ma wishlist d'upgrade, en fait. Mais très belle copie, payée au prix qu'il faut. Alors, merci beaucoup à M. Bibeau et rendez-vous au Néo Rétro Vidéo, qui sont les événements que Bibeau organise quelques fois par année. Ensuite, je suis allé avec Martine pour Retro MTL quérir un lot de magazines, de papier, un très gros lot à... Dans quelle ville, man? Passé Saint-Jérôme, en tout cas. Ah, oh, c'est loin. J'ai oublié le nom de la ville, mais en passant à Saint-Jérôme... Pas à Lorraine, toujours? Non, pas la belle ville de Lorraine. Non, c'est pas dans ce coin-là. C'est plus haut. Et puis, Saint-Janvier. C'est possible. Tout se peut au Québec. Une affaire de même, là. Et puis, bref, on a arrêté chez nos compétiteurs à Saint-Jérôme. On est arrêté chez. GameX? On est arrêté premier stop chez Souffle dans la cassette. Ah, ouais. Et c'est là que j'ai trouvé ce Head-On Soccer, man, Out of Nowhere, qui est un jeu qui, je pense, n'est pas vraiment commun pour les chasser beaucoup dans la nature. Les fellers, je vais vous dire, c'est la première fois que je le voyais. Il me le manquait. Et puis, ça vaut 20$. Donc ça, je suis vraiment très content d'être tombé là-dessus. Par contre, vous voyez qu'il y a du collant, en fait. Ça, c'est comme des vieux collants jaunes. Quand il y a les hosties de résidus jaunes, man. Faut frotter, man, avec là, de l'abrasif, là, tu sais. C'est très, très, très dur. Ça se crape pas, là, l'image d'en dessous? Ben, sur le papier, oui, ouais, là. Okay. Fait que c'est pour ça qu'il est encore dessus, là. J'ai pas réussi à trouver comment l'enlever comme faut. D'après moi, ça va rester direct de même. Ça va être sur ma liste des upgrades. De toute façon, le label, il est pas beau dans le bas. Il y a une ligne. Et il est pas beau sur le dessus non plus. Il y a des coches. En arrière, ça va. Fait qu'à un moment donné, je vais upgrader cette affaire-là, I guess. Mais là, je suis rendu au niveau où est-ce que... À moins que le label était complètement arraché, je l'aurais pas pris. Ouais, mais là, je me pensais bon, je pensais être capable de le nettoyer. Mais en tout cas, je l'ai, ça compte. Un de moins, c'est là qu'on est rendu. Et dernier jeu que j'ai trouvé chez, bien comme tu l'as mentionné, chez GameX, à 15$, il s'agit de Red Line F1 Racer. Par nos amis Absolute qui étaient à l'origine chez Atari. Exactement. Et nos amis d'Absolute maintenant qui font encore des jeux Atari, Audacity Game, David Crane, rien de moins. Et puis, c'est ça, j'ai pas joué à ça, mais il y en avait 3 jeux de ma wishlist chez GameX, puis ils étaient tous en mauvais état. Il y avait Syndicate, qui est mon plus gros qui me manque, mais il était pas beau, tu sais. Fait que j'aurais pu régler 3 dossiers, mais j'en ai réglé un, puis il demeure sur ma wishlist pareil parce qu'il est comme Sun Fade. Puis le back, il est pas beau. Mais il est convenable. Convenable pour le rayer de la liste. Ce qui porte la liste, Jean-François, oui, à maintenant, tu l'avais-tu? Oui. Ah, t'as tout. Je suis tout le temps à jour. À 716 sur 721. Il en manque 5. Donc, il me manque 5 jeux pour compléter le full set Super Nintendo. On voit les prix en dessous. Je vais les dire, vu que pour les auditeurs, en audio seulement. Hein. Le plus cher, Syndicate, à 200$. Ensuite, Pack in Time. Ça, j'ai jamais vu en vrai, jamais à ce jour. 50$. Lamborghini American Challenge que j'ai vu au GameX mais en très mauvais état, 35$. Elite Soccer, 35$. Et puis l'autre qui n'a pas de titre, c'est No Escape. Il s'agit d'un film mettant en vedette Ray Liotta, que j'ai jamais vu puis que je m'en sers. Jamais vu non plus. Ça a l'air film de Sony. Pas bien bon. Ouais, Sony ont fait des affaires. C'est un film avec des zombies, c'est quoi? Non, mais... Il y a un gun, puis en haut, on dirait que t'as un paquet de bras dans les airs. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas, hein. C'est peut-être juste comme des bras. Un film de Ray Liotta comme des bras. Qui tient des épées puis qui va le tuer. Fait que voilà, on est rendu là. Et c'est tout pour la collection aujourd'hui. Magnifique. Ça l'avance, ça l'avance. Je suis bien content. Quand il en restera plus, on va collectionner d'autres choses. Hein, c'est... Ben, je collectionne toujours, hein. Tu sais, je vais montrer mes Nintendo Power. Tu montreras tes... Mes Little Mermaid au NES, là. Exact. Non, mais j'ai déjà pensé de faire une collection des jeux de Simpsons. Genre, full jeu de Simpsons, tout au complet. Là. Je pourrais commencer à m'amener. Parce que c'est pas... Ça coûtera pas une fortune faire ça non plus, là. Ben, peut-être, là, mais genre, je n'ai pas 700 c'est... à acheter. Là, c'est ben, il y en a beaucoup. Hein, ouais, ouais, rien ouais. Qu'au Game Boy, il y en a 6. Ah, il y en a 6 au Game Boy. Ah, ouais, au NES, il y en a 3. Ben, ça me donne au moins un peu de latitude. S'il y avait juste comme, sorti 4, je ne ferais pas ça. Là. Ouais. Il y en a au Genesis, il y en a. Où je fais tous les jeux de lutte. Je pense qu'il y en a au Sega Master System aussi. Je vais faire ça. Je vais voir. Tous les jeux de lutte. Tous les jeux de lutte qui existent. Toutes les versions de Fire Pro Wrestling. Puis... Ah ben écoute, ça te prend des projets de passer. Ah, quand ta piscine va être réglée, que vas-tu faire de tout cet argent? Tout l'argent cet hiver que je ne mettrai pas dans la piscine, il ne faut jamais ailleurs. Là. Exactement. Non, c'est une quelque chose chez nous va lâcher cet hiver, c'est sûr. Là. Ça lâche un après l'autre. Le bar va s'effondrer. Excusez, j'ai pissé. Correct? Ouais, j'ai pissé la souris sans faire exprès. Hey. Ah ouais, je mange des Doritos. C'est un sac vide de Doritos. Je sais pas, j'ai comme pogné la faim. Là. J'ai pas soupé tant que ça. Fait que... Ah, puis moi, j'étais déjà une bière in avant d'arriver. Fait que... Ben avec ton Blitzburger, par contre, ça doit t'avoir rempli pas mal. Ouais, ouais. J'ai pris une grosse pinte à la cage avant de m'en venir ici. Là. Ouais. Rendu un gars qui se promène en métro pour venir faire des podcasts le mardi soir. C'est là qu'on est. On est rendu là dans notre vie. On est rendu en critique? On est rendu en critique, en effet. Ça va être spécial ce soir, Dom, les critiques. Exact. Parce qu'on a... On a une critique rétro nouveau, en fait. Oui. Puis, on a également le record du plus grand nombre de temps entre le premier et le deuxième d'une série de jeux. Ah, c'est malade, ça. Ça a l'air, c'est le record. J'ai pas été vérifié. Selon le développeur du 2, c'est un record. Okay. Fait, c'est malade. Ben, on va commencer par le premier. Oui, allons-y. C'est moi qui vais le couvrir. Il s'agit de Baby Boomer au Nintendo. C'est développé par Wisdom Tree. Et je sais pas si c'est publié par Color Dreams. Ouais, mais t'as aussi Pixel là-dedans que j'ai pas écrit. Là. Je sais pas ils sont exactement où dans tout ça. Je sais pas si c'est les publishers. Ouais, les versions américaines. Ouais, ouais. Européennes. Là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Wisdom Tree est le développeur de jeux bibliques de Jésus. Ah, okay. Et puis c'est eux qui ont commandé et fait ce jeu-là. Et puis il y a bien des références à... là-dedans, à l'enfer, le ciel et tout ça. Ouais, fait c'est que vrai. C'est un jeu unlicensed de NES qui doit être rendu avec une certaine valeur. Là, ah je ouais, dirais. C'est unlicensed? C'est, oh, ben oui, Color Dreams, c'est légendaire. Ok, je connais pas ça, c'est toute cette affaire-là, parce que... Il n'y a pas de Nintendo Seal là-dessus. OK, là. Fait que tu avais le droit de faire ça dans le temps, les jeux qui t'ont pas licencié ou ils... T'avais pas le droit, mais il y tant en a... Tant qu'ils pognent pas, tu sais. Tengen ça... le faisait, okay. Color Dreams le faisait. Il y a bien du monde qui l'ont fait. Ah là, ouais. Ouais. Fait que... Non, non bon, c'est pas Baby c'est Mario. Pas Baby, tu Mario vas voir tout Baby ça. Mario, c'est autre chose. Parce qu'il s'agit d'un jeu de zapper. Oui, exact. Puis rien que pour venir, Color Dream, c'est comme légendairement traîné dans la marde par le Angry Video Game Nerd. Là. Fait que, avec raison, tous ces jeux published par Color Dreams, c'est mauvais. Mauvais. Fait que celui-là fait pas exception. tu peux partir du gameplay si tu veux. Donc, c'est un jeu de zapper. Là, ça commence, tout ça est beau. T'as un bébé. C'est un bébé qui rampe, là. Copyright by Jim Mauer. Fait que là, faut que Baby Boomer, il passe à travers chacun des niveaux pour se rendre jusqu'à sa mère. Ouais, l'histoire, c'est que Baby Boomer a perdu sa mère, on doit retrouver sa mère. Exact. Puis là, il y a plein de marde à l'écran. Donc, il y a des oiseaux, des serpents, des patentes qui veulent te sauter dessus. Fait que tout ça, c'est mauvais, faut que t'y tires. Et puis, il y a des pièces que tu peux ramasser. C'est des golden nuggets. Oui. Et puis, des fois, il y a des trous. Alors, il faut que tu tires d'un nuage ou dans n'importe quel environnement qu'il y aurait au-dessus du trou pour faire tomber une petite, un petit flocon. Un pont de glace, ouais. Qui devient un pont de glace, en effet. Fait que c'est sur rail, hein, ça. Ouais, ça avance tout seul. Le bébé avance tout seul. Il n'y a aucun contrôle. Fait que toi, ta job, c'est de tirer tout ça. Et puis, le bébé, en haut, t'as un milk gauge, donc il y a du lait qui se consomme. Mais comment il marche, le milk gauge? Est-ce qu'il faut que le bébé ramasse le lait ou faut que tu juste que tu tires le lait? Ben, j'étais sous l'impression qu'il fallait que tu le tires pour le ramasser. Et puis c'est ça qui arrive. Ou le bébé peut passer dessus, puis ça marche aussi. Okay. Mais le gauge, tu vois, en haut, il descend pas présentement. Puis il monte pas, même s'il ramasse du lait. Fait que je ne comprends pas. Puis dans les niveaux plus avancés... comme je meurs au bout de mon lait très vite. OK. Fait que il y a une... Fait qu'en arrière, il descend, mais le visuel descend pas, genre, de la gauge de lait, c'est-tu ça? Non, je le vois descendre. La gauge descend. Okay. Mais là, elle descend pas, puis je sais pas pourquoi. Un moment donné, elle se met à descendre, puis très vite des fois, puis je sais pas pourquoi. Il descend, là, tu vois. Ah oui, là, tu vois, là, il descend fucking vite, là. Ah, c'est ça. Au début, t'en as beaucoup, puis après, t'en as plus. Ah, c'est ça. Fait que, OK, mais c'est un genre de pattern que j'arrive pas à comprendre. Il faudrait tout le temps qu'il descende très doucement. Tu sais, pas nous fucking même, là. Fait que les nuggets, ça donne des points. Tout ce que tu tires, te donne des points. Puis des fois, tu peux tirer, t'entends des places, tu tires, puis ça fait comme dun-dun. Si, ça veut dire qu'il y a une vie cachée, là. Est-ce que tes nuggets servent à quelque chose? Non, tu peux rien acheter, tu peux rien faire. Je prends des notes mentales pour ma critique après. Exact. Là, le premier niveau, on a vu, c'était féerique, là. Ouais, c'était beau, là. Bébé Boomer est dans un cimetière en ce moment, là. Exact. Il rentre dans un cimetière. C'est très violent, très épeurant. Des fontaines de sang. Un cours de gardien averti texan, comme dirait Tony Biz dans le chat. Ben, ouais. Fait que c'est juste ça, man. En fait, tu tires toute la marde, là, et puis t'avances, et puis moi, je jouais pas avec le zapper. Ah, pour vrai, tu peux juste sans zapper? Oui. Tu promènes une cible dans l'écran. La cible, okay, on la voit, est en bas à gauche. Là. Okay. N'importe quand, tu peux pogner une manette puis mettre à tirer dans l'écran. Le plus fun avec le zapper, par exemple? Ça donne un feeling. Mais c'est que plus t'avances, à un moment donné, il y a tellement d'affaires à l'écran. Ouais. T'es épuisé de brandir le zapper et avec ton doigt de pitonner sa gâchette qui a quand même une résistance, là. Fait que tu deviens fatigué. Puis c'est plus possible. Fait que ça va bien plus vite d'utiliser la... Mais quand tu prends le D-pad, puis il y a paquet de stock, t'es capable de faire pareil le tableau, ça vient quand même trop de stock à l'écran, puis c'est dur à gérer. Hein? Ben, c'est... Hey, il y avait deux baby boomers. Non, ben ça, c'est parce qu'il a tiré, puis il a gagné une vie. Ah, OK. C'est ce que j'ai expliqué tantôt. Ouais. Mais oui, avec le target, tu peux vraiment pitonner sans arrêt, puis tirer partout. Même que je recommanderais la manette turbo, là. Parce que dans les niveaux plus avancés, puis on se rendra sûrement pas là, en haut visuel... Je peux l'avancer, là. Ah ouais, avance-le, avance-le. Je peux peut-être l'avancer, t'as-tu peur? Gameplay... Ouais, ça, là, t'es en enfer, tu vois les références. Puis là, j'avais besoin de mon fils, là. J'ai demandé Tu parles pas de Baby Boomer, tu parles de ton vrai fils, là. Okay. Oui, mon vrai fils, en vrai, à côté de moi. Lui, il avait le zapper, puis moi, j'avais la target. Puis il fallait qu'on joue ensemble, parce que tu vois les petits flambeaux, là. Ouais, ouais. Ils tirent pas. Ah ben Chris, c'est parce qu'on tirait là-dedans, on les trigger puis ils nous lâchent. Ouais, ben je pense que c'est comme dans le 2, il y a des affaires que tu tires dans le décor qui déclenchent des trucs. Ah, c'est ça, c'est ça. OK, on jouait tout croche alors. Fait que oui, il y a des affaires qu'il faut pas que tu déclenches, sinon ça te lance de la merde. Fait que bref, j'ai eu besoin de mon fils pour ce niveau-là. Et puis... Toi, Jim, il demande comment tu joues avec un zapper sur une télé HD. J'imagine que t'as juste une vieille télé rétro. Ouais, j'ai joué moi sur une télé CRT. Parce que tu peux pas avec un zapper sur une télé HD, ça prend la réflexion du zapper, ça flash dans le fond, là. Exact. Ça te prend une télé qui a un balayage, là, mais je ne saurais t'en dire plus. Fait que c'est ça. Puis là, man, j'ai abandonné. Je pense qu'il y a 6 ou 7 niveaux, puis je me suis rendu à 5, là, à bout de nerfs, à bout de force, et puis... Mais là, j'avais d'autres chats à fouetter, là, aussi, là. Mais avoir eu quelqu'un... Mettons, WEG, là, comme tu disais. Tu sais, je passe les deux. Puis j'ai pas de plaisir, mais je le fais pareil. Exact. On pourrait faire ça au WEG, là, puis on y arriverait. À un moment donné, tu sais où ce qu'ils sont, les affaires, là, tu sais. Ben, je pense, pour moi, c'est ça un peu le principe. Puis comme, quand tu meurs, tu reviens au début du niveau où t'es rendu, j'imagine? Exact. Mais les niveaux sont pas trop longs. T'as 3 vies, mais t'as toujours des continues. Fait que dans le fond... C'est niaiseux qu'ils nous mettent des continues. Ah, fait que t'as Baby 6 en haut, mais tu recommences à la même place dans le fond après? Ouais, ben, oui. Hey, c'est pas mais tu perds tes points, en fait. Wow. Voilà à quoi ça sert, là. Mais les points, on s'en sac. Là. On s'en sac dans le 2 aussi. Exact. Parce qu'on veut juste finir la cassette. Mais j'imagine quand tu connais ce jeu-là par cœur, tu y vas pour les points. Mais j'imagine que t'as eu ça à Noël à 80$, tu joues beaucoup. Fait que, that's it. La musique est épouvantable, bien sûr. Je veux vraiment ça monter la fin parce que la fin. Ah, il y a un tuyau, là, quand même. Là. C'est la fin, en fait, là. Ouais. Voici la fin du jeu. Il tombe dans le berceau. Regarde qu'est-ce qui se passe à la fin du jeu, par contre. Ouais. Là, la madame a dit My Baby. Puis là, le bébé dit Mom. Puis là, la madame, elle va dire Hey, Harry, viens-t'en. Ou Uber. Puis comme, mais je m'appelle pas Uber, je m'appelle Boomer. Fait que, quand le jeu termine, ben, c'est pas la bonne mère. Hein? Puis là. Puis là, ça va dire « Hey! » Je sais pas si on va le voir, là. J'espère que oui. Je pense que oui, on le voit à la fin. « Who's là. Baby is this? » Je suspense, ici. Ah, je pense que c'est coupé. Ah. « Hey! Attendez, Baby Boomer 2 pour trouver la mère? » Oh my god. C'est une fin ouverte là, de ce jeu-là, dans le fond. Là. Oh! À l'époque. À l'époque, c'est une à fin l'année ouverte. De ce jeu-là. Il y a 35 ans, là, de ça. Il y a 35 ans, ce jeu-là. En 89, c'est sorti ça. Avait une fin ouverte. Et ouais. Là, je vais y donner ma note. Tu vas y donner une note? Il n'y a pas plus bas qu'une pomme chez Papa. Ah, t'as une demi-pomme ou t'as un zéro, si tu veux. Ben, je vais mettre une pomme. OK. Parce que c'était pas injouable, là. C'était juste pas vraiment le fun, là, ouais, tu sais. Ouais. Et puis, mais c'est ça. C'est une pomme, là. C'est pénible, funné, tu sais. C'est ça que c'est. Fait que voilà. Mais là... Là, il s'est passé quelque chose. Mais il y a une raison pourquoi on t'a joué à ça, en fait, puis pourquoi j'ai joué aux deux aussi. On a reçu un courriel directement à toi, j'imagine. Exact. Et je vais le lire. Je vais nous ramener à l'écran. Bonjour. Ça. Nous sommes les développeurs de Baby Boomer 2, 35 Years Too Soon, la suite officielle de Baby Boomer sur le NES par Wisdom Tree. La suite a été faite en collaboration avec Pico Interactive et Wisdom Tree pour vraiment respecter l'histoire du jeu original. Après tout, cette suite est attendue depuis 35 ans. La suite a été entièrement développée au Québec par des fans de l'original et d'après votre magnifique segment de podcast sur Plumbers Don't Wear Ties sur la PS5, nous avions pensé que cela serait vraiment votre style. Voici un code. En espérant entendre parler dans votre prochain podcast... Cumulators Film. L'équipe de Baby Boomer et le gars qui m'a envoyé ça s'appelle Alain. Donc, bon, je vais remettre la fiche technique. Donc, voici. Parce que quand, en tout cas, Baby Boomer 2, 35 Years Too Soon, développé et publié par Cumulators Film Inc., disponible sur PS4, PS5 et PC. Oui. Et quand tu m'as envoyé le courriel en disant « Hey, on a un code pour vous », puis tu as dit « Jeff, j'ai essayé ça », puis là, j'ai vu le nom Cumulators Film, j'ai fait « Hostie ». Ouais, tu connais genre, ça? Oui. Tu te rappelles-tu au dernier WEG? On jouait toi puis moi. Tu sais, on avait un setup, là, on avait des télés comme dos à dos. Fait que tu ne voyais pas l'autre bord qu'est-ce que le monde jouait. Puis toi puis moi, on jouait des shmups. Puis Illy jouait à quelque chose. Puis on entendait tout le temps Potato Jump! Potato Jump! Puis je suis allé voir, je suis comme Illy, tabarnak, à quoi tu joues? C'était cette compagnie-là, ici, là. Simulator Sim. Il jouait à Potato Sack Race Simulator 2024. Okay. Et avant d'aller dans la critique, je vais vous montrer leur site web pour vous donner une idée de à quoi vous attendre, en fait. Donc, Cumulators Film ici, c'est une compagnie qui fait des jeux. Je vais vous lire ici. Traduction libre. Qui sommes-nous? Nous sommes littéralement la meilleure compagnie de développeurs de jeux qui a jamais existé. Créée en 2015 et recréée en 2020, notre but a tout le temps été de faire rire les gens avec nos jeux. On n'a pas réussi, mais 9 ans plus tard, on essaie encore. Puis ça dit, joignez-nous à notre journey of revolutionizing the game industry and putting the in AAA gaming. Donc, il y a des gens qui ont dû entendre parler de ces jeux-là ici. Donc, genre Dabman Simulator, I'm in love with your dead grandma, buy the game, I have a gun. Donc, tu sais, c'est des gens de jeux... OK, il y en a beaucoup, là. Oh, ouais, ils en ont fait crissement beaucoup trop, là. Potato Sack Race Simulator, c'en était un ici. C'est très fait maison, genre. C'est fait... C'est dur à décrire. Je sais pas comment je vais faire cette critique-là. C'est très weird comme compagnie de jeu, là. Fait que là, si on s'en va, OK, dans le jeu. C'est la même chose. Wow. Mais 35 ans plus tard, refait comme... Ça, c'est du vrai gameplay, là. C'est le gameplay, ça. Mais ça, c'est le trailer. Mais le gameplay du jeu, c'est ça, ici. Donc... le gars qu'on voit passer à l'écran, qui est Alain, là, en fait, là, le gars, qui est également le petit bébé. Donc, c'est comme si dans 35 ans plus tard... On est sur une timeline que le bébé est rendu à 35 ans, mais porte encore une couche, est encore un bébé, mais grandeur nature. Et le jeu a été refait pas mal à 100% au dessin, au crayon, genre, tu sais, c'est... Oui, oui, oui. C'est tout pareil. C'est crissement pareil comme Baby Boomer. Ben oui, c'est les mêmes niveaux, les mêmes affaires à même place. Il y a Tony Bills qui dit « Je pensais jamais voir un review de ça ici. » Moi non plus. Donc, c'est la même chose, en fait. Bon, juste dire que sur PS4, il y a une version qui pèse 4 gigs. Sur PS5, la version pèse 9 gigs. La version est en 4K 60 FPS. Mais tu sais, c'est genre des animations de 2 frames, là. C'est des bonhommes qui bougent. Pour le monde qui nous écoute en audio seulement, présentement, faut dire que c'est comme dessiné, puis par-dessus, les animations, c'est comme quelqu'un en photo découpé. Ah oui. Avec genre 2-3 motions, tu sais. Exact. C'est comme des dessins d'enfants, là. C'est comme des dessins d'enfants faits tout croche. Ça a été crissement fait en une après-midi, genre tout le visuel du tournage et tout ça, là. Mais les bonhommes qu'on voit dans l'écran, ils sont là dans le jeu, là? Ouais. Outre le bébé, pas lui, là? Oui, il est là tout le temps. Ça, c'est le jeu. C'est tout le jeu, ça, là. Attends, mais les gros bonhommes... C'est tout le jeu, ça, là, Dom. Ce que tu vois là, c'est dans le jeu. Non, non, c'est dans le jeu, ça. Je pensais que c'était une pub. Il y a toutes ces grosses affaires-là qui apparaissent. Ouais, ben c'est ça. OK, je vais essayer d'expliquer un peu. Là. Fait que dans le fond, c'est pareil comme Baby Boomer 1. Faut que Baby Boomer se rende à la fin du niveau. Faut que tu butes des trucs dans l'écran qui passent. Avec évidemment ton D-pad, ça va mieux avec le joystick là, pour dépasser ta mire, puis tu cliques pour. Pareil pour... comme dans l'original. Exactement. Sauf que, à chaque fois que tu vas cliquer sur quelque chose, ben, y a une animation qui va se déclencher. Des fois, c'est un gars de même. Avec le... Parce que l'histoire du jeu, c'est le vieux monsieur qu'on a vu qui est probablement le grand-père d'Alain. De ouais, hein, en fait, ça dit que lui, c'est le plus gros fan de Baby Boomer en 89, puis là, genre. C'est lui qui a comme tout ce qu'il faut pour repartir la franchise puis tout. Fait que lui, c'est pour ça qu'il est tout le temps là, tu sais. Fait que... fait que c'est Baby Boomer, pareil. Le gars avance, puis nous, on doit, ben, comme tu disais tantôt, tu sais, tirer des nuages pour faire descendre de la glace, ouais. Faire des ponts. On peut pas tirer le lait, faut pogner le lait. En fait, le truc qui est difficile de ce jeu-là, c'est que tu faut pas te faire une crise d'erreur dans ton niveau, sinon tu recommences. T'es sûr que ton méthode de lait sera passé, puis les Golden Nuggets servent dans les tableaux. T'as un poste de payage, puis si t'as pas ramassé les Golden Nuggets, tu recommences. Ah ouais, hein. Pis, mais t'as du health, là. T'as du health aussi qui descend, fait qu'il faut pas que tu manques aussi tout ton lait, tu sais. Attends, t'as... mais t'as une gauge de lait, puis une gauge t'as une gauge de lait. De life. T'as une gauge aussi de life. Tu commences ton niveau tout le temps à une life sur trois. OK. Et il y a une valise dans le tableau qui a un cœur dedans qu'il faut pas que tu manques. Sinon, il y a des cibles des fois. Ouais. Il y avait des rondes. Puis là, si tu tires... C'est là que ça déclenche toute la marde genre de trolling qui passe dans l'écran. Fait que tu pognes trois cœurs, mais tu vois plus rien parce que genre ça. Genre c'est juste du criage puis du monde qui passe puis genre. C'est de l'hostie criage. Pour vrai, ben. ce n'est que du trolling, puis je veux dire, c'est fait exprès cheap tout crush. C'est comme un mauvais sketch des appendices, mettons, qui serait allé trop loin. Ah ouais. Mais tout est fait pour te faire chier, genre. Le jeu commence. T'as lui, mais comme déguisé en dos, genre qui te parle du jeu pendant 5 minutes dans un écran 4-3 comme en VHS que tu peux pas skipper. Faut que t'écoutes au complet. Puis le gars, il parle avec un accent de merde en anglais, genre So this is the game of Baby Boomer, you're gonna shoot stuff. Là, t'es comme tabarnak, genre. Puis les vieux dans l'écran, là, ils parlent aussi à chaque fois qu'ils pop. Hey, ça a l'air un peu pénible, là. C'est fucking pénible pour vrai, là. Genre, tu joues, pis là, à chaque fois que tu ramasses, genre. Une Golden Nugget, t'as la madame qui sort avec comme Golden Nugget! Puis là, tu sais, une cible, t'as le gars qui sort. Oh, you're a pro gamer! Puis genre, ça arrête pas de crier, puis d'avoir des. Puis tout le son clip, genre, tout pique, genre, tout est trop fort. Fait que ça griche quand que ça. Oh ça, my ça, god! Fait que ça vient, genre, agressant. C'est dur à jouer parce qu'il y a tellement de stock à l'écran. Mais c'est quand même, genre, incroyable qu'ils ont fait ça. Puis qu'ils ont eu la licence de Pixel, puis de Wisdom Tree pour faire une suite de même. Ah, oh, mais. Mais faire une. Ça, tu sais. Mais eux autres, ils ont toléré ça, tu sais. Tu comprends? C'est... Ben, je sais pas. Je serais très curieux de les avoir sur le show, savoir comment ça marche, tout ça, eux autres, là. Ben oui, pour vrai. Je veux aussi être dans leur prochain jeu, si c'est possible. Hey, ils pourraient nous faire un jeu, Papa Cassette. Imagine. Hey, ça serait-tu malade? Mais bon. Ça, des fois, tu sais, tu pognes des affaires, faut pas que tu pognes. Fait que là, t'as le gars qui sort, qui te coupe la moitié de l'écran. Fait que là, tu sais que. Ah, c'est ça. Tu sais que la run d'après, quand tu vas mourir, ben là, tu sais pas telle affaire parce que tu veux éviter. Fait que t'es pas obligé de les avoir tout le temps, mais ça m'a pris du temps avant de comprendre ça que quand je tirais les cibles, ça déclenchait, tout ça, parce que c'est pas expliqué du tout, là. Fait que ça, tu peux pas skipper l'intro. Là, ça part. Tu peux pas mettre le jeu sur pause. Quand tu mets le jeu sur pause, ça dit, non, y a tes losers qui mettent le jeu sur pause. Fait que ton jeu, il loupe. Tout le temps sans arrêt. Puis quand tu loupes, ton score, il reset pas, là. Okay. Fait que ton fucking score, il sert à rien, là. Parce qu'à chaque fois, plus tu meurs, plus ton score, il augmente parce que tu joues puis tu ramasses des trucs. Fait que c'est complètement fuck out. C'est l'inverse. Fait que, tu vois le toll pour les nuggets, là, ici, là. Ouais. Mais tu sais, c'est très de l'époque de comme... Mais ce fucking score-là sert absolument à rien, tu sais. Bon, les nuggets, comme je dis, ça sert à passer le poste de payage. Faut que tu ramasses le lait, faut que tu ramasses l'énergie si tu veux pas te faire... Ça, c'est des écrans entre les Puis quand tu pèses la main, ça fait comme tic-tic-tic-tic-tic-tic. C'est des sons. Les sons d'effets, c'est du monde qui parle, qui crie. Fait que c'est quand même drôle, tu sais. Puis je jouais à ça, puis j'ai commencé. Puis tu sais, j'étais comme. Après 5 minutes, j'étais comme. Ah, c'est tabarnak, je peux pas jouer à ça, c'est ben trop agressant. 45 minutes plus tard, j'étais encore en train de jouer. Ouais. En train d'essayer de me battre pour passer le niveau. Mais c'est dur. Puis ça, il y a des niveaux bonus entre les niveaux, là, qu'il faut que tu pètes des ballons, mais ça va super vite. C'est quasiment impossible, là. Ouais. Ah, c'est une référence à Duck Hunt, là. Mm-hmm. Tu tires la ballon, puis lui, il sort comme le chien, là. Mais des fois, t'as des TNT, faut pas que t'y tires parce que ça explose, mettons. Mais des fois, t'as un bonhomme qui va. Il monte dans l'écran direct, super haut, très très vite, tu sais. C'est très très fuck-all, comme jeu, là. Puis. Mais. Il y a quand même de quoi. parce que je l'ai fucking fini. Je passe au travers en fin de semaine. Ça a été ça mon autre bout que j'ai fait. J'ai gossé là-dessus. J'étais comme, asti tabarnak de calice, c'est pas vrai que je vais pas le réussir, ce jeu-là. Le jeu me troll, puis ça me fait chier et je vais le battre. Fait que j'ai passé au travers. J'ai rushé ma vie. Là. Les deux premiers niveaux, j'ai eu bien de la misère. Pendant j'ai comme pogné une vibe de comme, ok, là, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Arrêtez de tirer tout. Arrêtez de tirer tout, puis genre, chaque section de ta louche, j'ai comme, ok, là, je sais qu'il va y avoir genre deux trucs à péter là. Là, t'as une chauve-souris qui s'en va là. Fait que je vais faire tac-tac, je reviens là, je suis à la chauve-souris. Là, tu pognes la loupe, puis tu te rends jusqu'au bout. Là. L'ordre des affaires à tirer. Exact. Fait que faut que tu l'apprennes par cœur, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est quand même. Le jeu est pas brisé. Le jeu fonctionne 100%, mais il te troll, puis il te fait chier tout le long en te gueulant après, puis en t'envoyant du monde par-dessus toi que tu vois rien. Le gars, il en est déguisé en Spyro, puis il fait juste crier YOLO par-dessus l'écran, mais il prend le trois quarts de l'écran, puis il est comme sacrament, pourquoi vous avez fait ça? Pour ça, c'est ouais. Ça que ça donne. Mais c'est tous leurs jeux sont comme ça, fait qu'ils ont un genre d'univers de style jeu weird, bizarre. Là, c'est ça, c'est quoi la vie de ce studio-là? C'est... Je peux pas croire qu'ils vivent de ça. Combien ça coûte un jeu de même? Ça coûte 20$ ce jeu-là. Okay. Ça vaut quand même la peine. C'est un beau cadeau. Ben ça, c'est une fontaine de piste. Une fontaine de piste, probablement, ouais, ou de je sais pas quoi. Là. Mais gars, il va tirer, s'il tire la cible qui est sur le bord de l'arbre. T'en maudit. Toute la merde sort. Mais gars, là, il va pas. Il est déjà full health. Là. Mais tu sais, il y a beaucoup de stock. Je pense qu'il y a plus de stock que toi. Les bébés sont dégueulasses. C'est genre des bouches puis des vraies faces, mais avec des corps dessinés avec deux frames. Ouais. Mais c'est ça, t'as plein d'affaires pétées. Là. T'as des fontaines d'eau des fois à monter pour faire avancer Baby Boomer. T'as une musique en arrière originale, là, genre qui parle de Baby Boomer, puis il espère qu'il ne sert pas de sa couche parce que c'est dégueulasse. Puis genre, tout est random. T'as un vidéoclip sur le jeu, puis c'est juste genre les deux grands-parents dans un parc à Montréal qui glissent puis qui font des niaiseries. C'est tellement BS filmé, genre amateur. Mais Chris, c'est sur le PlayStation. 9 gigs, là. 9 gigs de pur bonheur en 4K, genre 60 FPS. C'est clean de merde, de beaux dessins, là. Oh, wow. Ah, ça se fait pas sur la Switch. Non, c'est vraiment juste PlayStation et PC, présentement. La COVID a frappé fort au Québec, on dit. Puis entre les scènes, t'as des dessins de même fait tout croche. T'as aussi un bon... Puis tu peux pas mettre le jeu sur pause. Fait qu'il faut que tu sortes du jeu puis tu le fermes au complet dans PlayStation. Mais si tu rentres dans le jeu, t'es sur une map, puis tu peux aller n'importe où. OK. Fait que par défaut, tu peux aller à la fin. À la fin de suite, même si t'as jamais été à la fin. Fait que tu peux faire tout. Fait que j'ai comme fait... Comment c'est codé, cette affaire-là? C'est-tu? Puis dans les extras aussi, ils ont un Game & Watch de Baby Boomer. Puis c'est genre juste un Baby Boomer devant comme une rue. Puis t'as à gauche et à droite, t'as des bébites qui montent, faut que t'aies gun. Ah, ouais. Mais Game & Watch, la petite console. Ils ont dessiné, ils ont fait une vraie Game & Watch avec ce visuel-là en arrière. Okay. Mais c'est comme si tu voyais l'écran et la Game & Watch en alentour. C'est 300 secondes. Fait que c'est quoi? C'est 6 minutes, ça? 6-7 minutes, je sais pas trop. Je l'ai fait au complet. Puis ça arrête, puis ça revient au menu, puis j'ai un trophée. Hop, la musique est finie. Je vais repasser la musique de tantôt, voilà. Voilà. Fait que c'est ça, là. J'avais des notes en plus, là, mais bon, le meter de lait, le nuage faire les ponts. Stage bonus, impossible de mettre le jeu sur pause, ouais. Puis tu peux pas skipper rien, tu peux pas skipper la fin non plus. Puis c'est fait tellement BS. Ah. Tu sais, le gars, des fois, il pop dans le bas, là, puis genre, il se crisse du lait à la gueule, puis il boit, puis ça coule partout. T'es comme, tabarnak, genre. Puis le gars, à la fin, il est comme, bravo, you have beat the game, so we have to tank. Puis là, genre, il se trompe dans son texte. On est son chien, il passe, il sort de la caméra, puis il revient avec son chien. Genre, c'est comme, c'est fait crissement BS. Mais il y a un petit charme pareil à tout ça, tu sais. Ouais, ouais, ben clairement, là, absolument. Pour que moi, je l'ai fini en plus, puis j'ai comme fait « fuck that », puis genre, c'est le genre de jeu Ellie, ça, au WEG, ce genre d'affaire-là. Puis le Potato Sacré, c'est un peu ça, c'est une course de sac de patates, genre, mais ça ressemblait à ça, là, comme codé de même, là. Mais là, si tu l'as fini, il doit bien avoir... Ah, ben, t'avais-tu d'autres notes, excuse? Non. Ben, j'ai hâte de voir le dénouement final. Ben, je l'ai pas mis en vidéo parce que c'est pas mon gameplay à moi, ça, mais... Ben, tu peux nous le dire. Je peux le dire, je peux le dire. Ça finit, puis c'est la même fin. T'es encore dans le même niveau. Tu tombes dans le panier de la grand-mère qu'on voit là. Ouais. Puis là, ah, oh, baby boomer, my baby. Puis là, t'as comme l'autre dude, là, le vieux qui arrive avec ses deux zappers, avec le fil enroulé sur le zapper. Ouais, ouais. Il est comme, non. Puis genre, il zappe la grand-mère, elle disparaît. Puis il est comme, on va faire des jeux de baby boomer à l'infini. Puis là, c'est comme des cuts super vides de baby boomer 3, 4, 5, 6. Puis c'est juste des images de comme des pochettes. T'en es, il est dans l'espace. T'en es, genre, il est dans un terrain de football. Je sais pas quoi. Fait que c'est. C'est genre juste pour encore du niaisage, là. Fait que je pense pas qu'ils vont en faire un 3, là, mais c'est ça. C'est le jeu, c'est style over substance à son meilleur. C'est du Je sais pas comment le décrire. C'est du trolling professionnel, ça, là. Oh, oui. ça reste dans leur genre d'univers de jeux qu'ils font, là. Genre, aller chercher leur jeu I'm in love with your dead grandma, là, c'est... Je sais pas si c'est ça, là, ils sont genre de Tetris weird, là, en tout cas. C'est quand même très intéressant. Puis quand j'ai fait ton footage à toi, j'ai fait « Chris, c'est pareil que l'original. » Ouais. Les niveaux, ils ont l'air pareil. Qui ouais, c'est comme jouer un sketch de Tim et Eric. Et Eric dit « Ouais, c'est vrai. » Ouais, tu peux jouer à 4 players. J'ai pas joué. À 4, ça doit être cool. J'y vais à 2, maintenant, il avance, genre, avec le vieux bonhomme aussi en avant. Fait que probablement que tu peux jouer à 4 personnes en même temps. Ouais. Une autre affaire à faire au WEG, là, ça, là. Absolument, à 4. On fait le 2 à 2, puis après, à 4. Mais le criage... J'ai tout aimé, même si c'est du trolling, sauf le son qui pique. Ouais. Ça, c'est agressant en esti. Vous auriez pu skipper le petit bout de son qui pique trop fort, là. Gueulez-moi les oreilles, ça me dérange pas, mais quand ça griche parce que c'est trop, j'ai un petit peu moins apprécié ça, là. Mais, ouais. T'sais, t'as des affaires dans même qui servent à rien, là. Fait que tu gunnes tout, puis tu regardes qu'est-ce qui sort, puis c'est ça, là. Faut que tu trouves où est-ce qu'ils sont les biberons des fois cachés, des fois des araignées qui sortent. C'est quand même drôle. Là. Ça supporte-tu les manettes Move, je pense pas, Eric? Non. Wow. Ben, ça joue avec le curseur, dans le fond. Là. Ouais, au début, j'ai de la misère à jouer avec le joystick. Puis j'ai fait comme... Non, t'as peur. J'ai trop de la misère. Ça va pas à bonne place. Puis le D-pad fait une vraiment meilleur job pour ça. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est faisable. C'est un prix 3-4 heures pour ce jeu-là, total. Là, ouais. Ce qui est pas si mal. 4 heures quand même. Là. Mais c'est... 4 heures, mettons, chaque tableau à coût d'une demi-heure, 45 minutes, à des tableaux de 2 minutes à refaire, par refaire, puis faire comme. J'ai redécouvert des sacs que je me souvenais plus que j'avais dans mon inventaire là, à jouer à ça. Là. Ah ouais. Hey, j'étais tout seul, puis j'ai lâché des cris de mort, j'étais comme. Tabarnak! Des fois, j'arrivais genre, à une seconde de la fin, puis j'avais une bébite qui tombe qui vient de te ramasser. Là. Ah ouais. Une couple d'affaires cachées, des cassettes à ramasser de NES, là, fait que t'as des collectibles à prendre. C'est quand même bien, là. Fait que c'est ça. Comment je note ça? Une note à ça? Écoute, regarde, OK, je vais donner la note de 2 pommes sur 5. OK. J'aurais pu ne pas donner de note. Ouais. J'aurais pu aussi donner 5, parce que j'ai eu bien du plaisir, mais c'est très niche et très weird comme expérience. Faut être dans le mood pour jouer à ça. Puis t'sais, le jeu n'est pas brisé. T'sais. Contrairement à l'autre de tantôt, je pense qu'il est mieux fait. Mais c'est une note symbolique, là, parce que... C'est pas un jeu qui est notable pour vrai, ça. Ouais, là. Non, c'est ça. C'est pas un jeu. C'est quasiment une joke, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Je le joue en VR. Joke. Ah ouais, en VR serait cool, avec un pour zapper pour vrai, là. Ouais. Mais hey, allez voir ce qu'ils font, là. On t'en fait jouer des affaires bizarres. Ici, GF. Cumulators Film, allez voir ça. Mais tu sais, j'avais donné. Combien j'avais donné à Plumbers of the Winter? 0.5, je pense. Ah, je me rappelle même pas. 1 ou 0.5. Il fallait que je donne plus que ça. Ouais. Le monde dans le chat sont comme pauvre Jeff. Non, j'ai quand même du fun malgré tout. Là, quand j'ai vu que c'était ça, j'ai fait OK, je le fais là, parce que genre pour le gag, puis je veux le passer, puis ça va être drôle. Si le choix avait été fait la semaine passée, j'étais pris au niveau 2. Ouais. Puis là, en fait, j'ai fait fuck that. J'ai crâné, je suis comme j'ai passé le niveau de l'enfer. Puis loin, il y a un autre niveau d'enfer. Je crois que j'ai passé aussi plus facilement. Là. Ah, moi, j'étais pris dans l'enfer. Là. Si la version physique sort, combien Retro Montréal va-t-il en avoir? Boy, zéro, mais... Pense pas d'après moi, ça serait une compile. Il n'y aura jamais de version physique de ça. Là. Peut-être une compile. Une compile, là, mais... une compile de tous leurs jeux, mais là, à 9 gigs du jeu. Mais merci beaucoup, Alain. Oui. Belle gang de capotés. Ouais, bravo pour vos projets weird. On espère que ça paye. C'est tellement niche weird. Puis d'habitude, c'est des jeux que tu as sur PC, ce genre d'expérience bizarre-là. Puis là, c'est sur PS5, sur le store direct. Je suis comme... Ouais. Wow, ben bravo, vous m'avez cassé et j'ai cassé le jeu. Fait que j'étais content de passer au travers au moins là. Ah absolument, fierté personnelle, t'as travaillé fort là. Ouais. Puis non, c'est vraiment gentil en effet de nous shooter ça de même. Mais je serais curieux de les avoir en entrevue pour savoir comment ça marche eux autres, leur processus créatif. Puis comment t'obtiens une licence d'un jeu qui existait avant pour faire une marde de même genre. C'est très péjoratif parce que juste pas de marde là, mais genre c'est très weird là, de présenter ça. Je sais pas si on... Ils ont pitché juste l'idée, on va faire un remake, puis ils n'ont pas montré c'était quoi le visuel ou genre. C'est très bizarre. Je sais pas qu'est-ce qu'ils leur ont pitché justement, puis je serais curieux de savoir ça. Fait... Oui! Ça va être ça. Je sais pas. C'est-tu vrai aussi? Peut-être pas. Ben, c'est écrit partout que ça a été licencié, puis c'est genre The Wisdom Tree, puis Pixel. Ah ouais, okay, okay. Je pense pas qu'ils le mettraient si c'était pas vrai. Là. Ils pourraient se faire prendre pour suivre si c'était l'inverse. Là. C'est voulu, c'est très cool comme jeu. Ok, je pensais que c'était peut-être le gars, mais non, c'est quelqu'un qui a joué là. Ouais. Oh, ouais, c'est voulu, on sait que c'est voulu là. Ouais, tout ça c'est voulu. Non, c'est... tu fais pas ça par accident, un jeu de même là. Non, c'est ça. Tu sais, probablement que je regarde en faire un jeu de même. À temps perdu, là, mais genre, c'est props, pour vrai, là. Ouais. Vous avez une idée de débile mentale, puis vous allez au bout. Moi, j'apprécie ça, puis je respecte, là. C'est comme, si j'avais fait un jeu avec le film The Parking que je fais avec Dave, là, les niaiseries, là, de court-métrage, ouais. C'est la même affaire, là. C'est comme si on était disponible. Le Parking 2 disponible sur, genre, illico, sur demande, mettons, là. Ce serait ridicule comme ça, là. Mais j'ai quand même bien du plaisir, là. Merci beaucoup, là, c'était le fun, là. C'est très apprécié. Et on le jouera encore une fois au WEC, puis je vous connaissais par Potato Sack Simulator, fait. Exact. On va spreader le love, man. Eh ouais, ben oui. Pas parce que c'est pas un mauvais jeu parce que je donne deux. Parce que j'ai pas le choix de donner deux. Deux pour un jeu. Pour les jeux, mais cinq dans leur monde. Ils ont genre 4.9 sur genre Steam ou sur PSN. J'étais quand même moyen, on l'a 4.9 sur 5. Ah, ben le monde est embarqué dans le gag. Ben, c'est ça, là. Hein? Ben, c'était merveilleux. J'ai bien eu du plaisir. Fait qu'on serait. Et je joue plus jamais à ça. Non, c'était. Sauf au WEG. Au WEG, ben ça c'est correct, là. Ça compte pas le WEG. Exact. Ça existe pas le WEG. Fait que là, on serait rendu aux questions du public. Et puis, on mettra pas la toune de Blaster Master. On vous a entendu, on va trouver d'autres choses. Exact. Alors là, on va y aller. On va commencer par Discord. Parce que Blastman, dans le Discord, il y avait une question. Et non, puis. Sur le Discord de Hub ou sur ben, non, le tien? Ben non, le. Plus... Le tien inactif, là, mais qu'il y a une. Un pause des fois qui parle. Ouais, le Discord de Papa Cassette directement est mort, là. Mort. Parce que le channel chez Papa Cassette, dans le hub HUB sur Discord, est bien actif. Ouais, il y a une section podcast, là. Il y a Fred, il y a Souris du podcast. Tout est là aussi, il y a le chat qui est là aussi. Exact. Fait que allez, si vous êtes sur Discord, allez dans le hub et puis trouvez tout ça. Il y en a pour tout le monde. Tout le monde est là, on s'amuse et Blastman pose la question. Mais dans ton podcast... OK. Dans ton podcast, pourrais-tu faire une mise à jour sur la production du livre de Pat Country sur Nintendo 64? En même temps, tu devrais en faire la promotion. Donc, oui, là, on parle pas bien de ça présentement, mais c'est supposé arriver à la fin du mois ou mi-octobre. Là. Aux dernières nouvelles, j'ai écouté le podcast de Pat. Les livres sont probablement présentement en plein milieu de l'océan. Okay. Un bateau? Sur un bateau en route pour ici. En route pour chez Pat. Il est où son entrepôt, là? En route pour le Michigan. Puis il y en a un dispatch qui s'en vient directement ici, là. Fait que c'est en route et puis ça va arriver, inquiétez-vous pas. Ça s'en vient, on va refaire de la pub en masse pour ça. Et puis ça va arriver et on espère tous les vendre parce que ça nous coûte cher et les marges sont minces. Je vais faire une plug pour le Garden Party. Dans le Garden Party, on a brainstormé sur le premier jeu que ce serait sur une console faite au Québec. Oui, c'est un vrai. Excellent segment et un excellent jeu, puis j'en dis pas plus. Mm. Je fais de la pub pour que le monde écoute. Et voilà. Alors, Tom Fréchette, on se transporte... Tom Fréchdoff? Oui, monsieur. On se transporte maintenant sur Twitter. Sur Twitter? Instagram. Dans le passé. Alors, il nous demande, content de l'échange de l'aîné? Chris que oui. Oui, hein? Donc on qui n'est pas content de ça? On l'a reçu gratuit, là. Puis on a eu un choix de deuxième avec ça, là. Moi, au début, j'ai mal lu. Je pensais qu'on donnait choix de deuxième. Non, on reçoit un choix de deuxième, puis on a donné Y'est-tu washed up, l'aîné? Oui, ouais, on a donné à Harry, je pense. Ouais. Tu sais, il y a eu des problèmes, l'aîné. Il était accro à Fortnite, là, puis toutes sortes de patentes de même. Ouais, puis là, on le voit depuis qu'il est à Montréal, là. Il est comme veg, là. Ah, ben, il est bizarre, là. Il s'habille en pyjama, man. Ouais, ben, c'est ça. Mais il était le temps de même avant aussi. Tu regardes des vieilles photos, puis il était un suit weird, là. Puis c'est. Exact. Mais ça reste Patrick Laine, est-ce-tu à Montréal, là? Oui. C'est quand, la dernière fois qu'on a vu ça, un vrai gros joueur de même arriver? Kovalev. Arrivé. Ah ben on a eu Gaborik. Gaborik. Ouais, mais l'autre russe là, que je me rappelle russe, là, qui est venu un peu pour les séries là, c'était excitant là. Ouais, qu'on voulait pas qu'il parte puis il est parti. Mais il part tout ce monde là anyway là, mais là on l'a pour 2 ans, je pense l'année là, avant que son contrat finisse, fait. Ouais. Ah ben c'est pas trop long si jamais il choque. Hein. Mais je in Saint Louis I trust là. Je suis sûr qu'il est capable. Puis là on a un gros top 6. Ah oui. Pour la première fois depuis je sais pas combien d'années, là. Absolument. On a un top 6 qui fait de l'allure, là. Puis, ce qu'il y a d'intéressant aussi... Slavkovski a grossi cet été aussi, là. Ah, et ça, c'est le futur. J'ai hâte, là. Puis, ce que mon ami Seb Brutal disait aussi, j'abonde dans son sens, c'est que, tu sais, l'aîné, il est un peu fucked up, là, justement. Ouais, ouais. Il est tout croche, puis tout ça. Puis, tu sais, ça aurait peut-être pas passé dans l'ancienne administration où est-ce que... Juste c'est Benjamin sérieux, qui a des trucs. Tout est trop sérieux. Ouais, tu sais, là, à cette heure, Chantal a fait une crise de bonne job, man. Puis elle laisse tous ces gars-là apparaître. Puis on voit le Canadien. Tu sais, elle ouvre les portes. À moins que Lainey se ramasse avec la mafia russe dans les bars à faire de la poudre, là, ça va déraper. Mais je crois pas que ça va arriver, là. C'est plus comme c'était avant, là. Thomas Vanek et Radulov. Voilà, Radulov. Ben, Radulov. C'est lui que tu parlais tantôt, là. Non, juste? Moi, c'était Vanek. Moi, je parlais de Radulov. Ouais. On l'a aimé, Radulov. Mais c'est pas lui. Marianne Ossan. Oui. Aussi, qui est arrivé et qui n'est pas resté longtemps. Oui, Eric Cole aussi, maintenant. Là, qui... Ouais, mais lui. Il faisait des high five au ref quand il passait. C'était moins reluisant. Ouais. Mais on l'a eu un bout, Eric Cole. Ouais, quand même. Kovalchuk. Ouais, c'est vrai. Vraiment pas longtemps. Mais bon, Dak peut rester en santé, puis que Slavkovski continue sa progression, puis t'as Cole, Suzuki, Slavkovski, Lainey, puis. Dak, puis le sixième, Newhook, probablement sur le top 6, d'après moi. Là. Ouais, ça va être Newhook, en effet. Puis Montembeau fait une bonne job. On a une bonne défense. On a bien du monde qui s'amène à la défense. Ouais. T'as l'autre là, qui va finir par monter. Là, Logan Mayou, à un moment donné. Exact. Ben, on a Reinbacher. On a Mitchkov. Ouais. Demidov dans 2 ans, après moi, qui va être prêt. Peut-être qu'on va voir l'année prochaine, mais pas cette année. Il faut qu'il finisse son contrat de la KHL. Et l'autre aussi, notre autre draft de cette année, je pense qu'il va venir plus tôt que tard. Michael Hayes. Ça va être intéressant, ça. On n'a pas l'autre, le chummy à Slavkovski aussi, là, qui comment il s'appelle. En tout cas, je ne me rappelle plus. On avait un autre qui était un de ses amis, je pense. En tout cas, reconstruction va bon train quand tu as des gens compétents à la direction qui savent ce qu'ils font. Là. Puis même qu'avec le draft qu'on a eu, moi, je pense que la reconstruction est finie. On n'est pas loin, là, après moi. Parce qu'on n'a plus besoin là, de pas faire les séries. Là, à cette heure, il faut développer nos jeunes et ne pas les échanger dans 2 ans. Là, on les échange pas, c'est s'il sûr. Vous plaît, là. Mais on a une belle banque, tu sais. Puis non, on est crissement en business. Là. Ça, c'est d'ailleurs, petite plug comme ça, la soirée du podcast revient le 4 octobre, vendredi, juste avant le début de la saison du Canadien. Fantastique. Pour parler de tout ça et des grandes tragédies qu'il y a eu dans le hockey la semaine passée. Là. Oui. C'est vrai. C'est assez débile, là, mais ouais. Vous savez tous. Ouais, on garde ça pour un autre show. Antonin Fréchette qui nous demande prédiction sur la saison du CH. Je le dis parce qu'on est un peu déjà en train d'y répondre. On va finir 7e. Ah, OK, 7e. On va faire les playoffs, on va se rendre en première ronde. Ça serait déjà joli que tous nos jeunes se rendent en première ronde des playoffs. Il faut les faire voir un peu de playoffs, là, maintenant. Exactement. Je suis peut-être capable d'après cette année. Ça dépend de temps des blessures, là, mais ouais. Si tout le monde est en santé, on ne va pas mourir. À Montréal, on se blesse beaucoup d'habitude. Ouais. Mais j'y crois, moi aussi. Je dis exactement la même chose. Sinon, ça va être l'année prochaine. Là. Another Namtoo. Opinion sur Castlevania Dominus Collection avec les 3 jeux de la DS. J'en ai parlé tantôt en ouverture, déjà très couvert. Antonin Fréchette, combien ça coûte environ une arcade originale comme Donkey Kong, Pac-Man, etc.? Les originales, en bon état, vont coûter... À l'époque, c'était genre 1000. Puis aujourd'hui, je dis 2000 pour une game populaire en bon état. T'sais. OK. Mais t'as des sous-jeux là, que sans Christ, là, t'sais, ça, tu peux t'en sortir pour moins cher. Là, mais je te dirais que c'est autour de 2000. Là. Puis là, les pinballs, là, c'est fou, les pinballs. Entre 5 et 10 000. Là, tu peux quasiment pas avoir ça chez vous, ça brille sous le temps. Fait. Exact. Tu saches comment la réparer. Là. Ah ouais, c'est un univers, ça. Là. Deck Cruel 666. Nice. Avez-vous déjà pensé monter une émission pilote d'un show sur les jeux vidéo? À la Monsieur Net, exemple. Travaillant moi-même en télé depuis plus de 20 ans, c'est certain que vous seriez capable de trouver des tripeux pour embarquer dans le projet. C'était Rétro Nouveau TV. On a tout fait ça. C'était notre spin sur un show télé. Ça durait 20-25 minutes. C'était fait pour avoir des pubs de télé dedans. C'était comme... À la fin, on a monté un format sur... On a fait quoi? 10 à peu près épisodes de ça, Rétro Nouveau TV? C'était genre notre pilote de ce qu'on voulait, mais finalement, c'était trop de travail tout seul. Là. C'est... Exact. Si on avait été en télévision, on aurait eu une équipe en arrière de nous autres. On aurait probablement aussi juste fait ça de notre vie. Là. Ben, c'est ce qu'on souhaitait. On souhaitait naïvement, à cette époque-là, faire un si bon produit qu'on aurait pu, genre, le pitcher puis peut-être apparaître ou intéresser quelqu'un quelque part. J'ai l'impression qu'on est pas... je dis, le produit est toujours aussi bon aujourd'hui. Allez voir encore, avec un nouveau TV, c'est encore de la qualité, là. Exact. C'est fou, là. C'est très bon. Puis, bon, il n'y a plus de TV aujourd'hui, par contre, c'est un peu le problème. Je pense qu'on est tombé dans un crack où genre, la télé descendait puis il n'y avait plus de place pour tout ça, là, où c'était déjà tout booké, là. C'est... Ben, où on n'a pas. On n'a jamais on envoyé pas les contacts, on n'a envoyé à personne. On a espéré à mettre sur le net que quelqu'un fasse Chris, c'est bon ça. Exact. On a espéré de la magie, mais la magie n'est pas arrivée. On était trop occupé à travailler sur le projet que de le pousser. Là, mais... Ah ouais, c'est ça. On a vraiment travaillé fort. Mais tout ça existe encore. Ah ouais, et puis tout ça, ça roule sur Young Media aussi, sur le Twitch en continu. Là. C'est bien vrai ça. C'est bien vrai. Des dizaines de personnes qui écoutent ça à chaque jour. C'est vrai. Ça veut dire que chez Chris, je suis comme Chris, il y a 8 personnes genre samedi matin qui écoutent les archives d'hommes. Genre, on continue de rouler ça. Ah ouais, non, ben oui, absolument. Oups, mauvais... attends, il y a mais une ouais, complication. Je... Avant, je l'aurais fait. Maintenant, j'ai plus le temps ni l'énergie pour faire ça, en plus d'une vraie job en extérieur. Là, ah c'est... non, moi non plus. T'sais, là, ça, c'est parce que t'sais, c'est rodé, on est tous stable, puis on... c'est crissement pas long de préparer ce show-là. Là, fait que c'est juste du plaisir de venir boire de la bière aux 2 semaines puis de jaser un peu. Là. Exact, exact. Il y a King Nadera qui dit qu'il écoute souvent les archives « good ». Mais moi, des fois, je les repars en arrière, puis genre, je reprends une couple de nos gags, puis je fais « Ah, ça, c'était drôle. » Ah ouais, il y a du bon stock, ah, là. Ah, il y a des bons gags, là. Hein? Beaucoup de jokes salaces à travers les années, là. Alors, sur Facebook, maintenant, Pierre-Luc Lupien, Atari 2600+, ou 7800+. Donc, on en a parlé en masse en intro, alors à vous de décider. Bruno Chagnon, à Papa Cassette, quelle borne d'arcade te prend en photo pendant que tu cogites ici? Hein? Ah, c'est la photo, ça, pour la publication. Ah, ouais. C'est quoi les bornes d'arcade qu'il y a là? Miss Pac-Man, Galaga, puis notre trio, Millipede, Centipede et Missile Command. Et puis, il y a Donkey Kong aussi. C'est notre lignée de 4 machines d'arcade vintage dans le fond. Je l'aime beaucoup. Pour toi, Jeff, es-tu sur le point de marcher sur l'eau de ta piscine en toute empathie? Ah ben. Dans une couple de mois, quand elle va être gelée. Ouais, c'est ça. Hein? Mais là, non, j'ai tellement mis d'argent dedans que je pouvais pas ne pas finir de la réparer ou m'amener. Là. C'était ça aussi. Là. C'est comme là, il faut qu'elle marche comme il faut m'amener. Là. Ah, écoute, on sait jamais. Me croiser les doigts, je suis du bois l'année prochaine, avoir un bel été, que tout va être correct. Là. Il y a Fingercut dans le chat qui dit qu'il a vu une émission de jeux vidéo qui commence cet automne à Télé-Québec. Ouais, mais ça va être pour les jeunes, puis on est crissement trop vieux pour ces jeunes-là. Là. Ouais, c'est ça. j'ai vu ça moi aussi, en effet. J'ai pas regardé qu'est-ce qui allait commencer à Télé-Québec, là, mais ça se peut là, qu'il y en ait. J'ai regardé ça vite fait, là, puis en tout cas, que ça existe, tant mieux, mais c'est pas mon contenu, c'est pas du contenu qui m'intéresse moi personnellement. Ouais, ouais. Puis je pense qu'on s'adresse pas au public plus jeune. Bien joué, ça s'appelle. À Télé-Québec. Ça s'appelle Bien joué à Télé-Québec. Bon, voilà. Fait qu'on va regarder ça en espérant qu'il me poke pour un moment donné. Oh, peux-tu faire un tournage dans l'arcade? Ça arrive tout le temps, ça. Ah ouais. Fait que j'ai hâte de voir ça. On va être en arrière avec des chandails Papa Cassette. C'est ça. Des mains pleines de Doritos. Alex Neveu, monseigneur, c'est comment de se faire livrer des Doritos en main propre? Et puis Marc-André Boucher, un des deux sbires de tantôt, il dit « Ça fut un plaisir de vous apporter cette offrande de délicieux triangle orangé et ainsi s'assurer de votre bonne nutrition. En plus, ça nous a permis d'assister à la grande fête foraine. » Alors voilà. Wow! Moi, j'ai droppé ça genre random dans un pré-show de Rétro Nouveau une fois à Monseigneur Neveu, puis là, c'est à... Ah là, non, c'est rendu du lore de monarchie. Du lore papal. Des terres seigneuriales, lore papal. Let's go! Des terres seigneuriales. C'est hot, ça, hein? Oh, j'adore ça. Pourrait être un autre jeu pour Kimulator Film, ça. Genre, la seigneurie la du Québec. La chair de game. Tu marches, genre, t'as les pieds qui collent dans le plancher. Oh, ça serait malade. Dan Langlois, AGF, d'autres mes aventures de piscine. Non. Je compatis en Christie avec toi. Non, donc, mais tu peux être sûr que le mec qui ferme ma piscine, il va mettre mon moteur dans le cabanon, dans le nouveau cabanon. Ça coûtait cher aussi, ce cabanon-là, cet été. Tout a été refait, là. Ouais. Ah, les dépenses. Ouais, c'est correct. On est correct l'année prochaine. On va faire des beaux garden parties et de la belle piscine. Là. Kevin Durocher, dans la catégorie suggestion, un jeu très papa cassette-esque, actuellement en précommande, quantité limitée sur VGP via Strictly Limited, jeu physique Switch PS5, un run and gun aux allures de Contra Metal Slug qui semble avoir tout pour plaire aux amateurs du genre. C'est quoi? Iron Meat. Ça, tu peux le mettre, en effet. Là, il dit que c'est physique, ça, là, Iron Meat. C'est ce que je vois ici, en tout cas, là. Je te montre ça. Il y a des copies là. Je savais pas. Ça, c'est un jeu qui est published par Retroware, il me semble. Puis Retroware est un channel YouTube. C'est un site web, man, qui servait de référence. C'était un peu le... Hey, check les beaux gifs. Ah, ouais. Ben, tu sais, ces gens-là, Retroware, c'est eux qui avaient fait aussi Prison City. OK, ouais. Et ouais. Puis qui font le... ouvre un onglet, puis va dans Retroware. Retroware. R-A-W-A-R-E. Voilà, direct ça. Je veux juste pas dire de la merde, là. Tu sais, genre quoi? R-Games? Ouais, check tous leurs jeux. Ils font... Ah ouais, oui, ils font cette affaire-là, man. De Transylvania... Bon, puis ils nous crissent des pop-up pour s'inscrire à votre infolette, non? De Transylvania Adventure of Simon Quest. What the fuck? C'est vrai, tu peux pas être plus copié de Castlevania que ça, là. Mais c'est comme cheesy 8-bit. Ben ouais. Puis l'autre jeu, Prison City, que je parlais, c'est comme Power Blade. Toxic Crusaders. Toxic Crusaders, ils ont eu la licence. La licence de ça, ils font le jeu. Iron Meat, c'est un genre de contrat vraiment... vraiment Prison fucké. City. Ah Prison oui, City, oui, oui, là, oui. Okay, je te rappelle. Ouais, ouais, ouais. Fait que tous ces dauphin. Jeux-là, c'est du gros pixel coloré weird, mais ils ont fait Angry Video Game Nerd 1 et 2. 1 et 2 Deluxe. Ah ben voilà. Voilà. Fait que c'est tous des très bons jeux. Ça, je sais pas Love ce que c'est. 3. Love Tree. C'est beau, hein, ce petit bonhomme-là. C'est intéressant. Ça, c'est... Eagle Island Twist. Ça, rendu là, ça a l'air moins bon, là. Mais tous leurs derniers jeux qui sont comme full... Dumpy and Bumpy. Qui sont full pixel 2D, là. Jeu NES, là, mais coloré, puis niaiseux, là, puis bloody. Ça, ça doit être un genre de bubble, là. Ah, sûrement. Puis dont Iron Meat en est un. Tanks. Fait que surveillez ça, gang. Ces gens-là qui avaient un channel qui était ce qui était le RZO ouais. De tout ce qui était. Genre les gars, Angry Video Game Nerd était là-dessus, Pat Denis Espagne était là-dessus, tout le monde était là-dessus. Le RZO du gaming US, mettons. Du rétro YouTuber, là, tu sais. Et puis il y avait le site web, puis moi je regardais ça. Je suis comme, wow, c'est malade. Ouais. Puis il y avait des critiques, puis des chroniques, puis des affaires. Fait que... Non, c'est de la pub. Ça. Ah, c'est de la pub. Fait que... Likely harasser. Puis là, ils sont devenus des publishers, man. Puis même des développeurs, je sais pas. Mais c'est vraiment hot. Puis ils ont des belles stations aussi d'inconvention et tout. Donc, Iron Meat, je vais regarder ça très certainement, mon ami Kevin Durocher. Et tout ce que Retroware fait. Parce que j'avais adoré Prison City. Benjamin Gazaille. Gazaille. Vous intéressez-vous au Rum Hack? Non. Je joue pas ça. j'ai pas le temps. Ouais, ben ça, c'est-tu, mettons, Zelda Link to the Past, mais qui éternellement... Le Randomizer. Genre, je pense qu'en est un Romax. Ça, ouais. Ça rentre-tu là-dedans, ça? D'après moi, oui. Si Barak était là, on pourrait le summoner puis demander, mais je pense que c'est... Dès que tu modifies un Rom... Ouais, I guess. Mais non, moi, il y a rien de ces affaires-là qui m'intéresse. Trop de stock à jouer d'original. Exact. Benoît Landry, comment tu tiens ton joystick de Atari 2600? Grab le stick entier dans la paume de ta main, tu grabes juste le bout avec le bout des doigts ou tu le tiens style crayon? Ah, ça nous arrive avec ton pouce et index. On aurait dû amener un contrôleur. Mais... Ouais, j'avoue. Hein. Ben, ouais. Moi, je le tiens. Moi, je le tiens full. Comme un pénis. Là. Comme un pénis, exactement. Bien serré. Je tiens beaucoup de pénis. Ben oui, c'est ça. Je tiens beaucoup mon pénis. L'expérience, là aussi. C'est ça. Je le tiens comme un pénis. Qui joue, genre, le tenant de même sur le dessus, ça va être difficile. Je sais pas, ça doit vraiment. Faut que t'aies une bonne prong, là, tu sais. Ah, des bons doigts, là. Hein. Peut-être Ben Gagnon, là, à l'époque, peut-être, il peut faire ça. C'est grosses mains, là. Puis, je l'imagine mettre ses grosses mains sur son pénis à cette heure. Je voulais pas imaginer ça. Laurent, est-ce que les pluies qu'on a eues dernièrement t'ont fait songer à déménager ta collection ailleurs qu'au sous-sol? C'est une bonne question, ça. C'est, j'ai nulle part ailleurs à la mettre dans ma maison, alors ça m'a fait réfléchir à « faut que je m'achète une batterie esti pour ma pompe, en effet. » Son pompe. « Faut que je m'achète un backup. » Puis ça va coûter genre 1000$, là, cette affaire-là. Là. Donc, mais j'étais un peu... mais il y a des pompes. Puis il y a des batteries, puis tu sais, comme je suis un peu mêlé là-dedans. Ouais, je sais pas comment ça marche. J'en ai une chez nous qui marche, des fois. Une pompe. À part, puis je suis comme, qu'est-ce que ça, ce bruit-là? Ouais. Comme, ok, c'est la pompe qui vient de partir. Ben, ça te prend une batterie de backup pour quand tu perds l'électricité aussi. Là. Ouais. C'est ça qui arrive aux gens. Là. La pompe, elle marche plus quand t'as plus de courant. Je sais même pas où la pompe chez nous, fait que c'est ça. À un moment donné, elle va arrêter de marcher puis je serai inondé. Qu'est-ce que je te dis? Ben, je te recommanderais de checker ça. Mais je sais, où? Parce que je mes parents, ils ont deux pompes dans le sous-sol. Ah, pour vrai? Quand c'est le déluge, ils habitent à une rue de chez vous. Ouais, ouais. Ils ont déjà eu de l'eau dans le sol et ben de la merde. Ah, boy. Fait que déjà, si t'as des troubles de piscine. c'est cheap, genre, sur le montage de la piscine. Ouais. J'aurais peur pour la sonde pompe. Ah, je t'arrête de refaire cette maison-là au combat. Tout était cheap et fait tout croche vers la bras, là. C'est clair. C'est effrayant. Fait que oui, Laurent, je suis là-dessus. Là, j'attends bientôt, j'aurai mon. Là, c'est fini, là, mais c'est correct, on va être prêt. LXNDR, Alexandre. LMNNT. Alexandre Lamontagne. Ah ouais. Hein? Je sais pas, Jean. Ouais, Alexandre Lamontagne. Un autre de professeur, là. Ben, il dit « Que penses-tu de la nouvelle collection Castlevania annoncée? » Bon, on en a parlé. Mm-hmm. « Edith, je ne suis pas professeur. » Hey, je vais cliquer sur son profil pour aller voir qu'est-ce qu'il fait. Ah, je suis pas capable. On fait ça une autre fois. Nick Lachapelle, le gars de la balle molle, qui continue avec ses questions. Toujours pertinentes. Tout le temps du même beat. « Quelle est la meilleure des pires consoles? » On n'avait pas dit un moment donné d'arrêter de nous poser ce genre de questions. Ah ouais, mais c'est Nick. Nick, il continue tout le temps. Toutes les consoles que Nick joue des jeux dessus, c'est les meilleures pires. Ah, c'est quoi le. Je sais pas, man. C'est quoi les pires consoles? On peut pas dire les pires consoles parce qu'on en a parlé dans le Garden Party beaucoup. Ouais, c'est vrai. Puis on a fait une longue discussion. Il y a des images dans cette vidéo-là. Je voulais ça pour le Garden. On garde ça pour le Garden Party. Merci pour la pub, Nick. On Domaine dans le chat qui dit « Qu'est-ce que le Atari 400 Mini? » Ouais, le Atari 400, c'est un... on n'a même pas parlé, mais c'est sorti. Ça existe. Atari a envoyé ça, le Atari 400 Mini. Donc, à l'époque, Atari ont fait le Atari 400 et le Atari 800, je pense. Et puis, sur leur site web très slick, là, ici. Et voilà. Ah, wow! Oui, monsieur. Donc, cette machine-là était grosse comme un... Plus petite qu'une boîte à pain. J'aime beaucoup dire les ça. Fameuses boîtes à pain. Plus personne n'a ça maintenant, les boîtes à pain. Ben non, tu mets le pain dans le garde-manger, là, je sais pas quoi. Puis, ouais, clique sur la boîte, là, ouais. Donc, il y a 35 jeux built-in dans cette Atari 400 Mini. Et puis, encore une fois, 120 Le clavier marche-tu ou il est... Non, il marche pas, il est décoratif. C'est pour la parure, OK. Exact. Mais je pense qu'il y a des twists là, pour trouver une façon. Hey, clique donc sur la dernière photo. Hein? USB. De CX stick. Pourquoi l'emballage il est fait de même? Je sais pas. Ah, USB, parce que tu peux insérer une clé USB dedans. Non, probablement que ça se plug. Ah, OK, c'est USB. Une manette USB. Ah, ben, mot t'as dit. Ah, mais ça veut dire que ça marche sur les ordinateurs, alors, c'est USB. Les ordinateurs. Les ordinateurs. Les fameux ordi. Ça. Fait que, ouais, c'est ça que c'est. Écoute, c'est une vieille affaire. Moi, j'ai jamais eu ça ou joué à ça. Je suis trop jeune. Mais je suis bien content qu'ils fassent ça. Wow! Ouais, mini arcade. C'est bien beau, ça. De Evercade, Tabletop, genre. My Arcade. Je sais pas ce que c'est. Micro Player. Atari 50 Micro Player Pro. Check donc le... Ah ouais, c'est pour jouer à Atari 50 avec la petite manette. J'allais dire, check donc le Woody à côté. Ah ouais, ouais, il avait l'air beau, là. Là, ça fait pas de la bonne radio, là, par contre. Là. On est en train de bander sur le site de Atari. Écoutez-nous en vidéo. Fait que, voilà, non. C'est ça que c'est. Vous pouvez vous renseigner. C'est une vieille affaire. Kevin Parent, salut. As-tu des bons souvenirs d'arcade quand tu étais jeune? J'adore voir et comment ça passait les moments dans les salles d'arcade. Moi, j'allais au tapis vert jouer à Mortal Kombat 2. Il y avait 2-3 arcades seulement et on jouait pendant des heures. Sinon, mes plus beaux moments sont à l'ancienne Lorette ou à Galerie Fleur de Lys à Québec. Wow. Au Contact Amusement, jouer à Killer Instinct. Ben, moi, mes souvenirs d'arcade, comme je le dis souvent, c'est à Old Orchard Beach. Quand j'étais petit, où est-ce qu'il y avait genre 4-5 arcades à l'époque, là, avec plein d'arcades dedans. Et puis, c'est la découverte de Mortal Kombat 1 que j'étais mind blown. Mais moi, j'allais autant dans les arcades qu'à la plage. Là, mes parents, c'était la journée au complet à la plage. Ouais, puis ouais. Moi, à un moment donné, j'allais dans les arcades, tu sais, dépenser. Mais j'aimais jouer aux vieilles machines aussi. J'aimais jouer à Dig Dug. Ah, c'est bon, et puis c'était vieille à Galaga, j'aimais ça. Puis il y a autant Mad Dog McCree. Ouais, là, ouais, c'était comme « Wow, man, c'est un film, on tire dans le film! » C'était malade, c'était vraiment hot, tu sais. Ça fait que des grands souvenirs pour moi. Sinon, toi, JF, souvenir d'arcade. Quand j'étais plus jeune, ma mère voulait pas jouer dans les arcades parce que la drogue dans les arcades, genre, fait que va pas dans les arcades, il y a la drogue. Fait que j'ai comme, OK. Quand j'avais au cégep, j'ai passé mes jours, ben mes journées. À prendre la drogue. Oui. Puis d'aller à l'Atlas, au carrefour Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était une arcade qu'il y avait au terminus de Boss, a.k.a. le Westcliff. Oh, genre, ouais. Pour les gens locaux de Saint-Jean, ils vont se reconnaître là-dedans. Il y avait les Guitar Freak, là, DDR, toute cette époque-là, Rush, le jeu de combat, là, Soul Calibur 2 était là, Drum Mania. Ouais. Fait que j'ai passé beaucoup d'argent dans ça pendant ces deux années-là. Début 2000 à peu près, là, j'ai été dans les arcades beaucoup. Là. Ah oui, hein? J'attendais le boss après une demi-heure, j'étais comme, je suis de Saint-Jean, Finger Cut. Est-ce que ça, j'imagine que le Westcliff, c'est pas une référence perdue de bord. Malade. La Musatech au Cap de la Madeleine en 94. Près de la librairie moderne. Il y a plein de monde de Saint-Jean, man. Carl le Duc. Ah ben l'arcade du Westcliff. Tout le monde connaît le Westcliff de Saint-Jean. Ben oui, on dirait bien. Hein? Hein? Atlas Amusement était le Pinocchio avant. Hey, toutes des noms, ça, de places de pédophiles. Là, là. Devant l'autre drogue pédophile. Le Pinocchio, l'Atlas. Des grandes enculades. J'ai encore genre des jetons de l'Atlas chez nous qui n'existent plus. Là, ah ouais, gardez ça. Gardés, ouais. Ah ouais, c'est vraiment hot. Eh bien, c'est-tu beau les arcades, pareil. Jason Fleury, on joue à quoi cet automne? Ben moi, je vais jouer aux deux jeux de Switch que je vous ai présentés tantôt et je vais faire Castlevania Order of Ecclesia, bien sûr. Et il va y avoir plein de jeux là, qui vont sortir cet automne, me semble. Là, ça repart. Là, ouais, faut que je regarde ça. Je suis pas au courant du tout de ce qui s'en vient. Là. Ouais. Moi non plus. Ben, j'ai pas. Toi, t'as-tu un grand jeu, un long jeu, tu sais, une grosse annonce? Que... Non, le nouveau Zelda, là, avec Zelda. Ah, j'ai même pas vu. Ben, ouais, peut-être. Wisdom, ouais. Quelque chose, là. Je peux déjà annoncer une critique qui s'en vient pour le début de la saison de hockey. Si tu veux, je vais critiquer Stanley Cup au Super NES. Oui, monsieur. On va tant qu'à être dans la souffrance dans mes critiques, je vais y aller pour de vrai, là. Ah, ça va être fait trop longtemps qu'on dit que c'est de la merde et que j'ai pas rejoué. Je veux savoir pourquoi c'est de la merde. Faut genre check ça, là. Mais sinon, je vais trouver quelque chose. Mon backlog est sans fond. Ah ouais, absolument. Moi, je continue dans Switch. Là. J'essaye toutes les Metroidvania que je possède et puis que j'ai pas faites comme il faut. Là. Puis j'entrecoupe avec des plus petits jeux comme ceux que j'ai présentés tantôt. J'ai essayé Bad Street Brawler sur okay. NES en fin de semaine. Puis j'ai dit, oh, Chris, j'ai jamais joué à ça. C'est épouvantable. Ah. Là, c'est fait pour jouer avec le Power Glove, d'ailleurs. Mais c'est mauvais. Mais j'ai Cult of the Lamb que je veux commencer vraiment bientôt. Ah, là. C'est tellement bon. J'ai arrangé un peu mon setup de streaming, fait que je devrais me remettre à streamer bientôt des jeux aussi. Là, fait que probablement un Cult of the Lamb. Là. Ouais. Sinon, je vais acheter le nouveau NHL probablement, puis je vais jouer à ça. Là. Exact. Je serai pas jamais le monde sur Twitch. Là. Le PSN Cup au Spanish de l'attente à Radio-Canada, ça te dit que c'était une révolution. Ah, parce ouais. que la caméra tournait. Là. Ah ouais, ce jeu-là, il a tellement été pushé. Là, puis moi, comme j'ai joué à ça la première fois. Pourtant, c'est le fun. Tu vas dans le centre de la glace, tu fais un lob et tu fais un but à chaque fois. j'étais tellement en colère ouais, moi aussi, de ce jeu-là. Je me rappelle de ma colère de quand j'étais jeune, quand ça sortit. La déception de ça. Là. Ah. Bruno Fizet, quelles sont vos impressions du Nintendo Direct du 27 août? Ben là, on l'a pas. Là. Faudrait sortir le tracklist de ça. Mais, you know what, il est 10h, puis il reste quand même encore pas mal de questions. Je pense que Fingercut a redécouvert un vieux cousin dans le chat. Carl a dit que j'ai un cousin qui porte ton nom. Restes-tu à Saint-Luc? Restais-tu à l'étude? C'est malade, ça, des cousins qui se retrouvent dans le chat du hey. Podcast. Ah, oh, pauvre Domaine qui a, la, qui a eu Stanley Cup. Ben, en fait, s'il y a une photo, pendant qu'il développe le jeu... Il était encore probablement heureux, sa photo. Après ouais, ça, c'est ça. Après ça, c'est... La chaîne a débarqué, comme on dit. Il est malheureux depuis, en fait. Ça n'est jamais remis. Mais, ouais, pour vrai, on dirait que j'aurais envie de garder toutes ces questions qui restent pour le prochain épisode. Ben oui. Parce qu'il en reste encore pas mal. Puis on fait un épisode dans une semaine, là, fait que c'est... Puis, ouais, c'est ça, dans une semaine. Fait que on va faire ça. Bonne idée. On va faire ça, puis on expanera. Alors, cool. On coupe ça de main. Puis on les, ça va être des old news rendus là, mais peut-être qu'on pourra sortir le tracklist, la playlist du Nintendo Direct. Ah, ben oui, on pourrait mentionner là-dedans effectivement, ce qui nous intéresse ou non, tout ça. Mais pour l'avoir fait vite regardé, j'avais pas grand-chose à dire. Castlevania était pas mal l'affaire qui me faisait capoter. On a passé au travers encore une fois. Encore une fois. Toi, t'as une longue route à faire jusqu'au sud en plus. Ouais, je vais me fermer les yeux. Faut juste pas que je manque mes 2-3 stations de métro là. Mais tu t'en vas jusqu'au métro Longueuil? Non, je m'en vais dans l'arène, moi, là. Je vais pas au métro Longueuil le matin. Bonne aventure? Ouais, bonne aventure. Faut que j'aille jusqu'à Berry-UQAM, bonne aventure, le REM jusqu'à Brossard, mon char que chez nous. Ça prend combien de temps? Je sais pas, on va voir. C'est 15 minutes. Le REM, c'est 15 minutes. Le reste, je sais pas. Fait que ça va dépendre, là, mais. S'il tombe pas en panne, se dit, Valérie Plante, se dit. La fois, j'ai été voir un show du Cirque du Soleil avec ma mère, puis il est tombé en panne le soir. Puis je reviens dans la bosse, j'étais comme tabarnak. Il a tombé en panne encore. Tu sais, le monde chiale, là, quand. Le REM, toujours en panne. Le métro est toujours en panne aussi, là. Fait que c'est. Ça arrive des pannes, il y a des pannes. Il y a des pannes. Y en a-tu plus qu'ailleurs? Il faudrait aller ailleurs souvent. Quand j'avais été pis c'était en panne, c'est parce qu'il y avait le feu sur une des rails. Fait que je dis, OK, on va prendre l'autobus, c'est correct. On va sortir d'ici. Alors, j'étais au bureau aujourd'hui, puis je fais de la marche, je reviendrai pas de chez nous pour reprendre mon char, mais rester à Montréal. Ah, la ville est en panne. Effectivement, la quantité de cônes nous prouve que la ville est en panne. Ah ouais. Je suis pas un chialeux de cônes d'habitude, puis tout ça, mais oui, la ville, c'est pas beau. Pas beau présentement. C'est parce que les cons, on dirait qu'ils s'enlèvent pas. Ils rajoutent, puis ils rajoutent pour dire qu'il n'y a rien qui avance. Fait que c'est... Ah ouais, la ville est laide. Tout est laide présentement. Il y a des pistes cyclables partout. C'est pas beau présentement. Non, les pistes cyclables, moi, ça me dérange pas. Non, c'est correct. Je les utilise, là. Ouais, c'est bien correct, pour vrai, là. Mais, ouais. Mais j'aime pas que les gens ils disent que c'est laite alors qu'ils vont pas voir les autres villes pour voir que les autres villes aussi sont. Ah, tout est laite, là. Tout est laite dans le monde présentement. C'est pas très beau. Tout va mal, JF. Tout coûte cher. Tout est pété, esti. Les piscines, la ville. Les sun-pompes, sûrement, esti. Les labels de jeux de Super NES avec des collants dessus. Il nous reste toujours le gaming. Absolument. Au moins. Au moins ça. Fait que on remercie nos chers auditeurs d'avoir été présents ce soir. Tony Biz, la ville est en panne. Il a perdu son char sur des carrés en juillet à cause de l'eau. Tabarnak. Tabarnak. Fait que le char, j'ai été absorbé puis il a dérivé, genre. Je sais pas, là. C'est incroyable, ça. Wow. Ah, merci Fingercut, merci Domingue, merci les gens. Tout le monde qui ont participé, Carl Leduc, tout ce monde-là. Merci au Patreon aussi pour l'argent. On n'a toujours pas de décor, mais... Ça mijote dans ma tête tranquillement, là. Ah ouais, hein? Moi, j'ai pas checké encore dernièrement. Faudrait que je t'en parle un moment donné quand on aura un peu de temps, là. Genre, j'ai des idées, là. On va acheter des cannes de peinture. En graffiti, là. On va dessiner Kirby. On prête encore le local, là, finalement, mais c'est vrai. Mais il est pas en visuel, l'autre podcast qui enregistre, donc on est correct de faire ce qu'on veut, là. Ah, il est pas visuel du tout, c'est vrai. Non. C'est, d'ailleurs, oui, c'est le podcast Ça nous allume. Ça nous allume, ouais. Exact. Qui est les geekettes ont rebrandé, là, donc c'est Martine qui repart un nouveau podcast avec d'autres mondes. Avec Lulu, à ce que je comprends, et Émilie Brazo, qui est une fille que je connais très bien, parce que j'ai fait la connaissance de cette fille-là en 2005 chez Juste pour rire. Elle est apparue de même, chargée de projet. Okay. Et puis, on a tout le temps eu bien du fun et tout. Et puis, Émilie, un moment donné, j'ai quitté Juste pour rire comme férocement pour aller dans une autre agence. Et j'ai fait venir... J'avais deux chargés de projet que j'aimais beaucoup, c'est Juste pour rire, Joël, avec qui je travaillais toujours, puis Émilie qui était là aussi. Fait que je les ai fait venir les deux dans l'agence où est-ce qu'on était, P2P. Et puis je connais Émilie depuis ce temps-là. Ben j'ai arrêté de côtoyer Émilie quand j'ai quitté P2P, mais maintenant elle côtoie Martine très régulièrement parce qu'elle sort avec son meilleur ami. OK. Fait que de là le lien là d'Émilie et Martine. Le monde est grand et le monde est petit en même temps, hein. C'est fou. Absolument, toujours. Puis le meilleur ami de Martine qui sort avec Émilie, ben c'est lui qui me conseille sur mes batteries de sumpon. Tout est dans tout! Wow! Malade. Puis il nous a aidé aussi parce qu'il est ingénieur électrique puis il travaille chez Hydro, fait qu'il nous a aidé avec trois affaires informatiques. Là. Nice. Fait que, il est ingénieur informatique en fait, pas électrique. En tout cas, les ingénieurs. Les ingénieurs. Bon, hey, c'est tout, faut arrêter ça. Ouais. Fait que on revient la semaine prochaine. Ouais, mercredi prochain, on revient. Mercredi prochain, on le réannoncera. Alors, merci à tous et puis à la brochette. Bye tout le monde.